toujours un peu une gageure de présenter un livre parce que on ne peut pas raconter tout ce qu'il y a dedans. Alors il faut faire un choix, mais on ne sait pas quoi choisir. Donc j'ai retenu les éléments qui étaient les plus importants à mes yeux, mais évidemment il y a des choses, enfin si d'aventure il y en avait qui avaient lu le livre, il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà. Bon. Alors la chose un peu drôle, c'est que j'ai pris conscience seulement après coup de la question de ce qu'était la question centrale de ce livre, et je serais tenté de dire maintenant que c'est la division du travail. Alors sans doute la division du travail est-elle une question économique par excellence, et par excellence une question pour économistes. Et pourtant, ce livre est à peu près vide de toute considération usuellement économique sur la division du travail. Son projet est plutôt d'en faire une question de philosophie politique, de philosophie politico-économique. Que se passe-t-il quand plusieurs se mettent ensemble pour faire œuvre ? Voilà la question sous sa forme la plus générale. Sous quelle modalité s'organise cette œuvrée en commun ? Selon quelle répartition et quelle hiérarchie ? Ceci est bien une question politique. Si on décide d'appeler politique toute composition de puissance d'agir, et je ne méconnais pas que c'est un choix qui emmène assez loin les limites du domaine du politique. Il y a donc une politique de l'œuvre commune, saisissable comme l'ensemble des rapports sous lesquels se composent les puissances d'agir concurrentes, et c'est cela qui constitue la division du travail en question de philosophie politique. Il n'y a pas qu'une économie, il y a une politique de la division du travail, finalement c'est ce dont parle ce livre. Pour s'en apercevoir, encore fallait-il abandonner la perspective macroscopique qui est généralement prise en économie sur la division du travail. Vu de si haut, la division du travail apparaît en effet comme un processus acentrique, d'ailleurs caractéristique des économies de marché, précisément définies comme économies décentralisées, c'est-à-dire sans pôle formel de coordination d'ensemble. Ça n'est qu'à l'échelle locale, dans une organisation, que la division du travail révèle son caractère de processus profondément asymétrique, et c'est là qu'on voit vraiment le capitalisme. Étonnamment, Marx ne dégage pas en tant que tel, c'est-à-dire sous sa forme la plus élémentaire, ce problème de l'œuvrer en commun, et il commence directement avec la solution que lui apporte le capitalisme, à savoir le rapport salarial. C'est sous le rapport salarial que s'effectuent les compositions de puissance concourant à l'œuvre commune industrielle, ce qu'on appelle habituellement la production. Et pourtant, il y a bien un problème fondamental là-dessous, d'ailleurs bien plus général que ne le laisse voir sa solution particulière du rapport salarial capitaliste. Et c'est au moment d'en extraire la structure la plus abstraite, la forme la plus pure, ou plutôt la plus simple, qu'il m'est apparu, pour ainsi dire, que Spinoza et Marx pouvaient faire œuvre en commun. Car au départ, en effet, il y a la surprise, et même d'une certaine manière l'amusement, de constater que conor, le verbe latin d'où est formé conatus, signifie « entreprendre ». Mais au sens le plus général, de commencer. Alors commencer quoi ? Eh bien commencer à poursuivre un certain objet de désir. Poursuivre un objet de désir, c'est se mettre en mouvement. Et c'est de ce démarrage, de cette impulsion, et de son effet inertiel, de sa lancée, que parlent finalement l'impetus et le conatus comme concept de la physique de la Renaissance. J'entreprends de faire X égale je poursuis X comme objet de désir. Je m'élance à la poursuite de X. En ce sens, et en passant peut-être sur quelques difficultés techniques pour l'assimiler directement au désir, le conatus, c'est l'entreprise. Mais évidemment pas comme chose, mais comme action. Tout le problème est celui du passage de l'entreprise action à l'entreprise chose. Et le problème se noue lorsque le désir excède les possibilités de l'individu désirant, sans que celui-ci y renonce pour autant. Car un individu désire un certain objet et se lance à sa poursuite par ses propres moyens, la chose va de soi. Mais ça n'est plus le cas lorsque ses seuls moyens n'y suffisent plus, et que néanmoins il persévère dans son désir. Il ne reste plus qu'une seule solution, mobiliser le concours externe de puissance tierce, et c'est là que le problème se constitue. Et vous voyez que dans sa formulation la plus épurée, il est d'une déconcertante simplicité. Un a envie de faire quelque chose qui nécessite d'être plusieurs. Comment s'y prend-il ? Ou plus précisément, comment un certain désir s'y prend-il pour impliquer des puissances tierces dans ses entreprises ? Que le désir de réalisation de choses industrielles et d'accumulation de profits à grande échelle tombe sous cette question, la chose est évidente. Mais je voudrais souligner que pour en être le cas le plus spectaculaire et le plus massif dans les sociétés contemporaines, l'entreprise capitaliste n'épuise nullement ce problème d'un œuvrer en commun sous un certain désir. Et c'était peut-être là l'un des avantages d'en revenir à sa formulation la plus élémentaire, que de mieux faire voir la généralité du problème. car amener des puissances tierces à s'activer en commun, au service d'un désir particulier, est une situation qui ne va nullement de soi si l'on y pense, et pourtant qu'on retrouve en de nombreuses autres circonstances. Un mandarin universitaire met son nom en tête d'une publication qui n'aurait pas vu le jour sans le travail de chercheurs juniors. Au plus haut de sa bulle, Damien Hirst emploie 180 personnes pour la production de ses œuvres. La conquête de l'Empire, comme fantasme d'un, qui désire et délire plus que les autres, suppose de vastes armées, etc., etc. Dans toutes ces situations, y compris bien sûr celles des empires industriels, capitalistes, il s'agit fondamentalement d'enrôler. Enrôler, c'est faire venir à soi des puissances tierces et les faire entrer dans son entreprise. C'est-à-dire, c'est mettre en mouvement des corps au service de son propre désir. L'idée même d'enrôlement montre combien la division du travail, autre nom de l'œuvrer en commun, est asymétrique. Elle est dissymétrisée par le fait que la capacité d'initiative désirante n'est pas uniformément distribuée. Certains peuvent poser leur désir comme entreprise et obtenir que d'autres y gravitent. La séparation princeps de la division du travail asymétrique, c'est donc celle qui distingue le désir maître des enrôlés. Évidemment, rien ne serait plus faux que de considérer que le désir est d'un côté seulement, qu'il n'y a désir que du côté de celui qui fait entreprise, que le désir est pour ainsi dire la prérogative exclusive du désir maître. Il n'en est rien, car être enrôlé, c'est bien se mettre en mouvement. Sans doute s'agit-il d'un se mouvoir pour autrui. Mais si les corps bougent, nous avertit Spinoza, c'est qu'il y a eu du désir. Éthique 3, définition des affects 1. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est conçue comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à accomplir quelque action. Définition qu'en l'occurrence, il faudrait lire à l'envers pour remonter de l'action au désir d'agir, et que celui-ci soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Pour fonder le rapport asymétrique, qu'on pourra appeler en un sens tout à fait général patronat, la séparation princeps de la division du travail n'en appelle donc pas moins à avoir tout autant du désir du côté des enrôlés, puisque les enrôlés se meuvent. La question de l'enrôlement est donc la question de la production du désir des enrôlés, et on peut la décomposer ainsi. Qu'est-ce qui produit l'action des enrôlés? Je viens de le dire, réponse des désirs particuliers. Qu'est-ce qui produit ces désirs enrôlés? Réponse des affects. On désire parce qu'on a été affecté. Qu'est-ce qui produit ces affects? Réponse les structures sociales de l'enrôlement, c'est-à-dire les divers rapports sociaux de patronat. En d'autres termes, chaque patronat, universitaire, artistique, militaire, économique, s'est constitué autour de moyens structurels spécifiques de l'enrôlement, c'est-à-dire d'un ensemble de normes et de dispositifs institutionnels affectant les individus et les déterminant par suite à se mouvoir au service d'un certain désir maître, celui du patron. Le premier moyen de mobilisation du patronat capitaliste est bien connu, c'est l'argent. Il faut bien voir néanmoins la profondeur structurelle de ce moyen. Une profondeur où l'on trouve les structures de l'économie marchande, dans laquelle la division du travail atteint une profondeur telle que nul ne peut envisager de pourvoir par lui-même à ses besoins fondamentaux, et où chacun par conséquent doit en passer par les complémentarités de l'échange marchand avec son médium spécifique qui est la monnaie. Et puis il y a les structures du capitalisme proprement dit, plus précisément du rapport salarial, telles qu'elles ont été dégagées par Marx, c'est-à-dire à la suite du processus d'accumulation primitive, la réduction des hommes au dénuement total, ne laissant aucune autre solution matérielle que la vente de la force de travail. La constitution juridique et morale de ces individus dénués en sujets contractants, libres propriétaires d'une force de travail marchandisable. L'appropriation privative des moyens de production. La séparation subséquente des travailleurs d'avec ses moyens et d'avec les produits de la production, etc. C'est l'ensemble de ces éléments structurels, constitutifs du rapport patronal capitaliste, donc de la situation salariale, qui affectent les individus et les déterminent à se mouvoir au service d'un désir maître capitaliste, ceci d'ailleurs en les prenant par les réquisites les plus fondamentaux du Conatus comme effort de persévérance dans l'être. Ici, l'effort de persévérance dans l'être matériel et biologique, effort de conserver la vie même. Accéder à l'argent pour pouvoir entrer dans l'échange marchand et ainsi pourvoir aux données élémentaires de la reproduction matérielle, cela est bien un désir. Et au plus près, je le répète, du Conatus compris sous sa forme la plus fondamentale, désir de vivre et de survivre. À ce stade, il faut donc bien tenir deux choses ensemble. Premièrement, l'enrôlement en général et l'enrôlement salarial en particulier sont une affaire d'affect et de désir. Mais deuxièmement, dire cela ne condamne nullement à une sorte de régression psychologiste, car ces affects et ces désirs sont produits dans et par les structures où sont plongés les agents. En l'espèce, les structures d'une économie monétaire à travail divisé, et les structures salariales du capitalisme. Deux choses qui, mises ensemble, permettent alors d'en dire une troisième. Car si les structures en général sont plongées dans l'histoire, et donc sujettes à transformation historique, alors le rapport salarial lui-même peut aussi être considéré dans la succession de ces configurations, elle-même saisie comme régime affectif de la mobilisation, ou disons comme régime structurel passionnel de l'enrôlement salarial, de la mise en mouvement des corps salariés. Si la base commune de tous les régimes affectifs du salariat, c'est le désir d'argent. Historiquement, le tout premier régime de la mobilisation salariale ne va pas au-delà de cette base. Seul l'aiguillon de la faim détermine des mouvements d'enrôlement sous un désir maître capitaliste. Or, sous ce régime, les salariés sont moins mus par le désir de poursuivre un bien que par celui d'éviter un mal, le mal du dépérissement. Le premier régime de l'enrôlement salarial est donc un régime d'affect triste. Bien sûr, il ne peut pas être que d'affect triste, puisque l'obtention de l'argent est en elle-même génératrice d'un affect joyeux. Mais la tristesse est sa tonalité dominante, notamment du fait que cette configuration basale du rapport salarial, dont il faut redire qu'elle restera le socle commun de toutes les configurations ultérieures et qu'elle lui fera toujours sentir ses effets, cette configuration élémentaire met à nu la forme élémentaire de la domination capitaliste. On est en train de faire des choses bizarres. Si l'une des significations à donner à l'idée de domination consiste en le rapport qui s'établit entre deux agents quand la poursuite de son objet de désir par l'un le force à en passer par l'autre, c'est-à-dire quand cet autre dispose seul d'un moyen nécessaire à cette poursuite. Alors, évidence de longue date dégagée par Marx et pratiquement très bien connue, la domination capitaliste tient d'abord à la maîtrise par les employeurs de l'accès à l'argent, c'est-à-dire aux moyens de la survie pure et simple pour les salariés. Sous l'effet des luttes sociales, des crises, et par une sorte d'apprentissage plus ou moins inintentionnel de ce qu'il est plus efficace de gouverner par la joie, le régime affectif triste de la mobilisation par l'aiguillon de la faim mute au milieu du XXe siècle. Le compromis social fordien institue de fait un nouveau régime structurel passionnel de la mobilisation salariale, dans lequel l'accès aux moyens de la reproduction matérielle est détendu par la stabilisation de l'emploi et la progression des salaires, et où surtout cette dernière fait entrer le salariat dans la consommation de masse. Source inédite et puissante d'affects joyeux qui donne son sens accompli à la formulation du chapitre 28 de l'appendice des types 4, l'argent est devenu le condensé de tous les biens et l'on n'imagine plus guère aucune espèce de joie qui ne soit accompagnée de l'idée de l'argent comme cause. On est bien forcé en tout cas de constater que la consommation de masse et son imaginaire propre auront été historiquement au principe d'une extension considérable de la vie passionnelle du capitalisme, ou du capitalisme considéré dans son régime de désir et d'affect. Et il faut bien le reconnaître, de son point de vue, ça a été une immense réussite. La vie structurelle passionnelle du capitalisme entre cependant dans une nouvelle phase avec ce qu'on appellera, pour faire simple, le régime d'accumulation néolibéral. En effet, d'une part, le déplacement de la spécialisation des pays les plus avancés vers les services. Et d'autre part, la montée de l'incertitude du fait des instabilités concurrentielles et financières confronte le capital à un problème de mobilisation productive sensiblement modifié depuis sa variante fordienne. Le déplacement vers les services rompt avec l'exécution mécanique de la production industrielle automatisée et sollicite des aptitudes dispositionnelles et comportementales. L'incertitude, elle, conduit à des réponses managériales qui soumettent les salariés à des exigences d'autonomie, d'initiative et de polyvalence. Les deux ensemble ont pour effet d'ouvrir considérablement le répertoire d'action demandé aux salariés et de leur remettre également la décision de savoir laquelle activer en situation. Toute chose qui était jusqu'ici prise en charge par les commandements inscrits dans l'automatisme des équipements et les routines de la production en série. Conformément aux réorientations du désir maître capitaliste, elles-mêmes dictées par les nouvelles contraintes structurelles, celles que je viens de mentionner, sectorielles, concurrentielles, financières, les nouveaux réquisites de la mobilisation salariale imposent donc de remonter de la prescription des actions à la constitution des dispositions susceptibles de faire faire les actions, et même une gamme aussi étendue que possible d'actions. La réponse du néolibéralisme à la nouvelle donne structurelle, qu'il a lui-même contribué à faire advenir, tout de même utile de le mentionner en passant, est venue sous deux formes. La première est celle qui a répandu dans tous les registres de la vie économique le schème de la liquidité, d'abord formé dans la sphère financière, mais devenue quasi universelle, et qui en dit long sur ce que peut être un désir maître et sur le potentiel de tyrannie qui s'y trouve toujours inscrit. Je rappelle que par liquidité financière, il faut entendre la propriété offerte par un marché d'actifs négociables de rendre possible la sortie à tout instant. C'est-à-dire d'offrir un volume d'activité tel que chaque intervenant est assuré d'abord de trouver une contrepartie, c'est-à-dire un acheteur s'il est vendeur, et ensuite que son ordre de vente n'entraînera à lui seul aucune variation significative du prix courant de marché. Garantissant la cession de titres par bloc, c'est cette propriété de la liquidité, véritable talisman de la communauté financière, qui permet les restructurations presque instantanées des portefeuilles d'actifs et offre donc à l'investissement financier une fluidité parfaite, mais surtout la garantie précieuse entre toutes, celle de pouvoir sortir à chaque instant. Et en effet, cette quête de la réversibilité permanente en dit long sur la logique profonde de l'investissement financier, assurément un désir maître lui aussi, peut-être même le désir maître superlatif dans le capitalisme d'aujourd'hui. Car la liquidité dit le fond d'un désir qui veut instrumentaliser tout et ne s'engager à rien. Voilà donc l'idéal de la relation sociale conçue par le désir maître de la finance, noué à la condition de pouvoir dénouer aussitôt, s'engager avec la certitude de pouvoir se dégager, contracter avec la possibilité de dénoncer, toute polarité qui corresponde à la polarité canonique de l'achat et de la vente sur un marché de titres. En ce sens, la catégorie investissement financier, sous le schéma de la liquidité instantanée, est un parfait oxymore, puisqu'investissement signifie s'engager à minima. Un minimum que la finance contemporaine n'entend même plus porter. Ça n'est donc pas un hasard. S'il y a 75 ans déjà, Keynes avait vu dans la liquidité financière une posture de l'individualisme le plus exacerbé jusqu'à en être antisocial. La liquidité offre donc un modèle aux manières de désirer de l'époque individualiste capitaliste, en attestant la possibilité pour un désir d'imposer sans limite tous ses revirements et de n'avoir pas à compter avec autrui. Elle est l'idéal d'un désir maître qui veut régler instantanément les mouvements des autres sur les siens propres, c'est-à-dire le comble de l'égocentrisme désirant, et pour finir, le devenir tyrannique d'un désir maître. Le modèle de relation sociale qui s'ensuit suppose ainsi de pouvoir convoquer et congédier librement, sans préavis ni moment d'inertie. Le déversement de ce schéma hors de la sphère financière où il a d'abord trouvé naissance, vers tous les compartiments de la vie économique, s'effectue sous le nom de flexibilité. Il est particulièrement visible en matière de relations du travail, dont il apparaît maintenant qu'elles se sont données pour horizon d'émuler la parfaite fluidité et réversibilité de la liquidité financière. Pourquoi en effet le capital ne revendiquerait-il pas de gérer sa force de travail de la même manière qu'un portefeuille d'actifs, puisque c'est là le summum de l'adaptation flexible, c'est-à-dire la forme supérieure de la souveraineté d'un désir maître. Le capital a d'autant moins de raisons de se gêner qu'il obtient tout ce qu'il veut ou presque, et notamment cette licence anthropologique inouïe si l'on y songe, qui concède à un désir maître particulier, privé, la possibilité d'un devenir antisocial et tyrannique, là où la société a toujours contenu la croissance des affirmations et des impositions désirantes, ne réservant à la rigueur le délire d'illimitation qu'aux souverains politiques. Mais la libération du désir maître du capital à l'époque néolibérale se donne aussi d'autres formes que la liquidité érigée en paradigme. Le désir de ne plus seulement commander des actions, mais des dispositions, ouvre un régime de mobilisation salariale inédit. En effet, l'intensification de l'engagement des salariés dans leur travail, au degré requis par le néolibéralisme, était hors d'atteinte du régime affectif fordien, a fortiori de celui qui l'avait précédé. Je rappelle que ce dernier ne mobilisait que par les affects tristes de l'aiguillon de la faim. La grande innovation du régime de désir et d'affect fordien aura consisté à proposer le premier enrichissement sérieux de la vie passionnelle salariale en affect joyeux. Mais le régime passionnel du fordisme ne proposait que des affects joyeux extrinsèques, liés à l'acquisition de biens pour lesquels le salaire n'était qu'un moyen. L'innovation spécifique du néolibéralisme consiste à entreprendre d'enrichir la vie passionnelle salariale en affects joyeux intrinsèques. Il ne s'agit plus d'offrir aux salariés le seul évitement du mal du dépérissement, ou bien l'accès joyeux mais à des objets externes aux finalités de l'entreprise. Il s'agit de rendre l'activité productive dans l'entreprise en elle-même et pour elle-même source d'affects joyeux. Sous cet idéal, se rendre au désir maître n'est plus une suggestion à dédommager, mais une perspective intrinsèquement joyeuse et par conséquent plus intensément désirable. Or, faire désirer les salariés plus intensément et dans un environnement d'affects joyeux intrinsèques, c'est par définition même des affects joyeux augmenter leur puissance d'agir, en l'occurrence leur puissance d'agir productivement. Ainsi, le néolibéralisme se pose avec une acuité inédite la question stratégique jadis dégagée par Marx, question de la conversion en travail de la force de travail, c'est-à-dire de l'intensité de la mobilisation productive. Maximiser cette intensité suppose de venir à bout de la réserve. Cette part d'énergie désirante qui est orientée vers d'autres objets est de fait soustraite aux finalités de l'entreprise. Obtenir des salariés leur engagement sans réserve, c'est-à-dire de livrer, d'accorder leur puissance d'agir en totalité, est devenu l'objectif d'un désir-maître capitaliste en proie à un délire d'imperium sans limite, d'assimilation totale, dans un environnement structurel où plus rien ne retient le capital de délirer. C'est cette visée de la mobilisation totale, de l'engagement total de sa personne par le salarié. Est-ce que cette visée suppose de colonisation intégrale de la complexion affective et désirante des enrôlés, qui suggère l'idée d'un caractère totalitaire du régime de l'enrôlement néolibéral? Et même si la catégorie de totalitarisme doit bien sûr être refaite indépendamment de ses définitions classiques en sciences politiques. D'une certaine manière, on pourrait dire que totalitarisme ici, c'est le désir maître dans son concept pur, c'est-à-dire dans son projet égocentrique radical de faire prévaloir ses réquisites sans limite, d'asservir à soi jusqu'au bout. Il y a alors une métaphore vectorielle possible, et peut-être même le germe d'une schématisation au sens kantien du terme. Si Norton veut bien disparaître. Mais visiblement, il ne veut pas. Oui. En tout cas, une métaphore... Ah non, oui, ça c'est... Il est tenace. En tout cas, une métaphore vectorielle possible est du rapport d'enrôlement et de sa déviation totalitaire. Car une entreprise, un effort conatif, un désir, c'est un élan d'une certaine intensité projeté dans une certaine direction, soit un vecteur. Le rapport d'enrôlement, c'est pour ça que j'avais besoin de tout ce fourbi, c'était pour vous montrer ça. L'image est un peu déformée. Ah non, c'est bon, c'est mon écran qui est déformé. Le rapport d'enrôlement peut donc être ici saisi comme la composition de deux vecteurs conatifs. Grand D, le vecteur du désir maître, et petit d, le vecteur du conatus enrôlé. Et plus précisément, cette composition peut être schématisée sous l'opération du produit scalaire des deux vecteurs. Soit grand D scalaire petit d, qui est égal au produit de l'intensité des deux vecteurs, c'est leur longueur, hein, leurs intensités, par le cosinus de l'angle qu'ils forment ensemble. Le propre de l'opération du produit scalaire, c'est donc de ne composer les vecteurs qu'à concurrence de leur degré d'alignement, ici mesuré par l'angle alpha et son cosinus. Plus alpha est fermé, je m'excuse de vous imposer ces régressions mathématiques d'une époque que vous avez sans doute oubliée, mais plus alpha est fermé, plus l'alignement est fort, plus le cosinus est près de 1, et plus la composition est sans perte, c'est-à-dire que plus petit d1, qui est la composante utile de petit d, est proche en intensité, en longueur, de petit d lui-même. A l'inverse, le désalignement complet de petit d signifie sa rétivité à l'enrôlement, et elle est mesurée cette fois par le sinus de l'angle alpha. C'était la composante d2 de tout à l'heure. Quand l'angle alpha vaut pi sur 2, la composante utile, petit d1, vaut 0, et 0 aussi le produit scalaire de grand d par petit d. Alpha droit signifie donc qu'en petit d, il n'y avait rien de captable par grand d. Sous la schématisation du produit scalaire, les vecteurs conatus se composent donc en effort concourant, c'est-à-dire en œuvre commune, en fonction de leur degré de collinéarité. On peut alors donner au projet totalitaire de l'enrôlement néolibéral le sens figuré suivant. L'alignement intégral des conatus enrôlés, la collinéarisation parfaite, soit alpha égale 0. En d'autres termes, spontanément, les conatus tiers s'efforcent dans des directions qui sont les leurs. Les angles alpha sont donc exemptés, ouverts. L'enrôlement vise à modifier, en l'occurrence réduire, ces angles alpha mesurés par rapport à la direction référence du désir maître. Il vise à maximiser les composantes captables, petit d1, celles qui se composent dans le produit scalaire, selon un coefficient de captation, qui est le cosinus de l'angle, d'autant plus grand que l'angle alpha est petit. Le point limite de l'enrôlement, donc, son comble ou sa réussite parfaite, c'est alpha égale 0. Puisque l'effort petit d est alors récupérable en totalité, composable en totalité par grand d. C'est ce point de la collinéarisation parfaite que vise le régime néolibéral de la mobilisation salariale. La visée d'alignement intégral implique donc de refaire les désirs des enrôlés jusqu'au point ultime où ils épousent parfaitement le désir maître et se confondent avec lui. En d'autres termes, jusqu'au point où les enrôlés désirent comme le désir maître, où ils ont intégralement fait leur ces objets à lui. Tel est l'horizon fantasmatique et pourtant concrètement mis en œuvre du néolibéralisme sous le nom de flexibilité, et qui signifie en fait ceci, que les petits dés suivent toujours et instantanément les réorientations de grand D. L'entreprise néolibérale a ainsi développé des méthodes managériales de collinéarisation désirante, dont la sociologie du travail a maintenant donné de nombreuses analyses descriptives, et qu'un courant de recherche foucaldien a ressaisi sous l'idée de processus de subjectivation, ou encore de fabrique de la subjectivité, pour parler comme Dardot et Laval. Parler de fabrique de la subjectivité est en effet spécialement approprié quand il s'agit d'un projet qui vise à refaire de fond en comble la complexion affective et désirante des enrôlés en vue de la collinéarisation parfaite, ce qui est en fait un projet de possession complète, mais au sens quasi chamanique du terme. Or, les entreprises, aidées de toute une série de soutiens discursifs extérieurs, s'y entendent maintenant pour persuader les salariés, au moins les plus réceptifs, c'est-à-dire ceux qui se présentent à elles spontanément pré-collinéarisés, les diplômés de l'enseignement supérieur, spécialement des écoles de commerce, les cadres, etc. Pour persuader les salariés donc que l'entreprise est le lieu de la vraie vie, celui où on ne fait pas gagner un argent instrumental, mais où on se réalise, où on trouve à satisfaire ses désirs d'accomplissement les plus profonds, où l'on vit le travail non plus comme labeur mais comme passion, etc. etc. Apprendre aux salariés, conditionner les salariés à désirer autrement, c'est-à-dire conformément aux finalités de l'entreprise. Voilà l'objectif du capital à l'époque néolibérale, de la rentabilité financière en croissance indéfinie et de l'incertitude concurrentielle qui laisse indéterminée exempter les tâches à accomplir, mais demande aux salariés d'y œuvrer comme s'ils œuvraient pour eux-mêmes. On voit alors apparaître le problème dans toute sa généralité politique. Politique était le nom qu'on avait donné abstraitement à toute situation de composition de puissance d'agir. Mais quand on y regarde plus spécifiquement, la mobilisation des enrôlés salariaux sous le désir maître du capital est en fait très conforme à un problème tout à fait classique de philosophie politique. Comment des sujets viennent-ils se ranger sous la norme d'un souverain ? C'est un problème commun aussi bien à la pensée classique de l'État qu'à la pensée de l'entreprise moderne. Comment des sujets se rendent-ils à un imperium, quelle que soit sa nature ? C'est bien un problème de philosophie politique. Dans quelle combinaison de désirs et d'affects ? C'est un problème de philosophie politique spinoziste. Le traité politique de Spinoza ne cesse en effet de montrer que l'état civil vient à se constituer et que le souverain maintient son imperium par et dans un certain jeu d'affects. Or, gouverner et maintenir l'état, c'est homogénéiser une classe de comportement et obtenir des individus ce que Spinoza nomme l'obsequium, c'est-à-dire l'observance d'un ensemble de normes. Comme tous les mouvements de l'obsequium sont déterminés par des affects et des désirs particuliers. Faire prévaloir la norme du souverain est donc une affaire de production d'affects et de désirs. Étymologiquement, c'est une affaire d'épitumogénie, d'après épitumia, désir. En d'autres termes, prévaloir comme désir maître, ce qui est un autre nom pour gouverner, c'est conduire par les affects. Et ici, Spinoza rejoint Foucault. Car si la gouvernementalité est l'art de conduire les conduites, alors elle est fondamentalement de l'ordre d'une épitumogénie, puisque c'est en affectant les individus qu'on les détermine à se conduire d'une certaine manière. Elle est donc par nature un ars affectandi. Gouverner, c'est affecter. Adéquatement, s'entend, c'est-à-dire conformément aux réquisites du désir maître. C'est ce que le capitalisme comprend de mieux en mieux, en revisitant à sa façon, qui est toute pratique, ses problèmes de la philosophie politique, et en redécouvrant après elle qu'il est plus efficace et plus productif de gouverner à la joie plutôt qu'à la crainte, ce qui est la grande polarité affective du pouvoir, qui s'exerce soit en se faisant aimer, soit en se faisant redouter. TP 3.8. Et en effet, si c'est à l'amour, plus d'affects joyeux, moins de réserve, plus de puissance d'agir mobilisée. Le projet néolibéral de l'alignement intégral a donc fait entrer dans l'ère de la gouvernementalité capitaliste consciente et réfléchie. C'est qu'il faut une entreprise épitumogénique pensée comme telle pour obtenir des enrôlés joyeux, là où vivre sous la guise d'un autre est d'abord attristant. Mais là, c'est du Spinoza dans le texte. Traité politique 18. Il faut conduire les hommes de façon telle qu'ils aient le sentiment non pas d'être conduits, mais de vivre selon leur complexion et leur libre décret, soit à peu près exactement ce que les entreprises néolibérales essayent de réaliser. Or, ce point de réussite de la gouvernementalité est aussi un point de déstabilisation conceptuelle. Car des concepts, d'ailleurs passés tels quels de la philosophie politique aux sciences sociales du travail, et peut-être pour cette raison même tenus par elle pour tout à fait sûr, des concepts commencent à souffrir, sauf pour le spinozisme qui a construit sa pensée du pouvoir sans leur secours, loin d'eux, et même en faisant implicitement la critique. Consentement, servitude volontaire, aliénation. Trois concepts profondément solidaires et qui sont quelque peu malmenés, ensemble. La sociologie du travail a bien été obligée de faire ce constat, impensable pour le marxisme des origines et pour cause. Lui a un tout autre régime affectif sous les yeux. Ce constat que le capitalisme a été capable de développer un salariat content. On le sait en fait depuis les années 60-70, lorsqu'on avait observé l'émergence de ce nouveau groupe social qu'on avait appelé les cadres. Des sujets joyeux, qui d'eux-mêmes s'activent au service du désir maître, dont le projet est bien, et en tous les sens du terme, de faire marcher des enrôlés. C'est cet idéal du pouvoir que des entreprises parviennent à réaliser. de ces salariés qui marchent et qui jouent le jeu. On est donc bien forcé de dire d'abord qu'ils consentent. Mais le point de vue critique extérieur renacle à en rester là. Car ne voyant que trop l'entreprise exploiteuse, ce consentement lui paraît déplaisant. Aussi la critique veut-elle le déclarer vicié de quelque manière. Les salariés consentent, mais en fait ils croient qu'ils consentent. En vérité, ils sont dans la servitude volontaire. Formellement, ils ont dit oui sans avoir été forcés, mais à quelque chose qui devrait leur être intolérable et qui devrait les faire souffrir. Sauf que curieusement, ils ne souffrent pas, ou pas comme on attendrait. Et c'est cette curiosité en fait qu'essaye de saisir les mots de servitude volontaire. Donc, ils sont contents, mais ils sont contents trompés. Ils sont contents abusés. Et abusés parce qu'on a fait vicieusement jouer en eux un ressort qui se retourne contre eux. Ils offrent eux-mêmes la ressource pour nuire à leurs propres intérêts. Ils sont aliénés. On ne peut pas aimer le contrôle de gestion jusqu'à en faire 12 heures par jour, ça n'est pas vrai. On ne peut pas faire de la gestion des stocks un accomplissement existentiel, c'est une illusion. On ne peut pas trouver bonne la vie entièrement dédiée à l'entreprise, c'est au minimum un mensonge à soi-même. Et pourtant, les intéressés persistent et confirment. C'est bien leur choix. C'est en ce point que les philosophies subjectivistes de la conscience et les sciences sociales qui en ont fait leur implicite métaphysique se trouvent prises à leur propre piège, car elles se trouvent immanquablement désarmées devant une déclaration de liberté. Au nom de quoi et à partir de quoi opposer au sujet consentant qu'il n'est pas libre? Comment tenir ensemble la reconnaissance de sa liberté de sujet et la certitude qu'il s'égare? La servitude volontaire et l'accommodation, mais purement verbale, de cette insoluble contradiction d'une liberté postulée irréfragable, mais jugée exercée pour le pire. Or, comme toutes les solutions verbales, celle-ci laisse évidemment intacte la contradiction qu'elle est supposée résoudre, sauf à invoquer une malédiction intermittente de la liberté errante. Le plus sûr moyen, me semble-t-il, de sortir de cette contradiction consiste à voir combien elle est sécrétée du cœur même de la métaphysique de la subjectivité, qui ne sait pas quoi faire d'un consentement libre mais trouvé critiquable. Et ceci parce qu'il a l'inconvénient de jeter le doute sur tous les autres, c'est-à-dire ceux qu'on voudrait pouvoir continuer de célébrer l'âme claire. Le point de vue spinoziste fait un grand pas de côté et se débarrasse de tout d'un coup. La liberté et ses problèmes, les consentements bizarres et la servitude volontaire. Comme on sait, dans ce contre-pied radical, il ne reste plus rien de la liberté, du moins comprise comme antonyme de la nécessité. Éthique 1.29, dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière. Dans le plan de la causalité intermodale, en tout cas dans sa partie humaine, le déterminisme opère au travers des rencontres et des affects qui s'en suivent. La séquence élémentaire de l'action est en effet celle qui emmène des affections par les choses extérieures aux affects et des affects au mouvement réactionnel du conatus. Éthique 3.32 Scoli, les images des choses sont les affections mêmes du corps humain, ou en d'autres termes, les modalités selon lesquelles le corps humain est affecté par les causes extérieures et disposé de telle sorte qu'il accomplisse tel ou tel acte. Il en résulte, éthique 2.35 Scoli, que les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actes et ignorant des causes qui les déterminent. Le consentement comme approbation délivrée par une conscience libre et autodéterminée n'a donc aucun sens dans cette perspective. C'est toujours l'enchaînement causal des affections et des affects qui nous a déterminés à désirer ce que nous désirons et à faire ce que nous faisons, et en particulier qui nous détermine à dire oui. C'est pourquoi la vue spinoziste de la vie passionnelle fait voler en éclats les distinctions qu'on croyait les mieux établies, et notamment celle de la contrainte et du consentement. Car on ne saurait réserver l'hétéronomie à la première pour célébrer le libre mouvement du second, autant quand il se rend au travail sous l'aiguillon de la faim, que lorsqu'il y va pour s'y accomplir. Guillemets. Le salarié n'échappe à l'ordre de la causalité passionnelle, et c'est rigoureusement le même déterminisme formel qui est à l'œuvre dans les deux cas. Aussi bien les sciences sociales subjectivistes que le sens commun refusent de se rendre à cette indifférenciation. Mais Spinoza ne nie nullement qu'il y ait des différences. Simplement déplace-t-il celles que nous faisons spontanément dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. La différence de la contrainte et du consentement n'est pas celle de l'hétéronomie et de la liberté. C'est celle de la tristesse et de la joie, ce qui est une différence assurément. Contrainte est le nom que nous donnons à une détermination accompagnée d'un affect triste. Et consentement, celui que nous donnons à une détermination accompagnée d'un affect joyeux. C'est la joie, pas la liberté, qui fait dire oui à ce qui demeure de toute façon une détermination. Par le mécanisme de troncature dont Éthique 2.35 Scoli a donné le principe, le salariat content ne sait pas tout ce que son contentement doit à son passé d'affection et d'affect, et notamment aux déterminations vocationnelles, qui ont tracé toute sa trajectoire biographique, et qui lui ont fait contracter des images aimées de choses à faire. Dresser des piles de ponts en plein ciel pour les uns, participer à des révolutions techniques pour les autres, sauver ou faire advenir des vies par la médecine, danser sur une grande scène, etc. C'est-à-dire tous ces mécanismes imaginaires, le plus souvent mimétiques, qui l'ont précolinéarisé et disposé à envisager avec joie l'activité sous un désir maître, dès lors que celui-ci offre l'opportunité de vivre selon ses images désirantes. L'individu dit qu'il consent, chaque fois que sa balance affective penche du côté de la joie. Contrainte et consentement ne sont donc pas autre chose que le produit de regards subjectifs pris sur le fait objectif de la détermination. En d'autres termes, en disant contrainte ou consentement avec les significations que nous lui donnons communément, nous catégorisons et nommons d'après nos affects. Autant dire que nous nageons en pleine connaissance du premier genre. La connaissance du deuxième genre est celle qui voit la seule objectivité qu'il y a à voir, celle de la production déterminée des affects, des désirs et des mouvements. Évidemment, c'est à une rude conversion intellectuelle qu'appelle Spinoza pour nous défaire d'une certaine manière de nous considérer nous-mêmes, dont il montre d'ailleurs qu'elle est nécessairement déterminée par les fonctionnements spontanés de notre imagination. Circonstance théoriquement atténuante, mais pratiquement aggravante, puisque si nous sommes en quelque sorte excusés intellectuellement, nous découvrons que ça n'en sera que plus difficile de nous en sortir. Et en effet, la pensée subjectiviste ne désarme pas facilement, qui continue de chercher au tréfonds du sujet le noyau dur de son absolument propre, de son authenticité désirante, telle qu'elle donnerait au consentement sa base incontestable. Mais on ne trouvera jamais rien de tel. Toutes nos manières, nous dit Spinoza, de sentir, d'être affecté, de juger, de désirer, de nous mouvoir, toutes nos manières nous sont venues au moins en partie du dehors, de nos rencontres extérieures. Sans doute sont-elles intégrées dans une complexion, un ingenium, dont on peut bien dire qu'il est le nôtre. Mais plus au sens du siège, ou de l'attribution, que de la production de soi souveraine et autodéterminée. En règle générale d'ailleurs, le regard extérieur sait mieux voir que le regard réflexif les mécanismes de la constitution hétéronome des ingenia des autres. Il est alors vite fait de nommer aliénation, d'ailleurs d'après son étymologie même, cette présence de l'alius, de l'autre que soi en soi. En ce sens, être aliéné, c'est n'être pas authentiquement soi-même. C'est avoir laissé corrompre son propre par de l'altérité. Ce que le regard extérieur voit si bien sur autrui, et en général si mal sur lui, c'est que la présence ou l'effet de l'extérieur en soi, et jusque dans la constitution de soi, est la condition absolument universelle de tous les modes finis. Il est impossible, rappelle Éthique 4.4, que l'homme ne soit pas une partie de la nature et ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature. Il est donc vain d'envisager ce travail de l'altérité en soi comme une carence ou une défectuosité, et il l'est plus encore, sous le nom d'aliénation, d'en réserver le stigmate à certains seulement. Si être aliéné, c'est être la proie de forces extérieures et n'être pas capable de se gouverner intégralement soi-même, alors l'aliénation est la condition universelle du mode fini humain. Voir le travail des causes extérieures sur autrui n'offre donc aucune raison suffisante de s'en croire affranchi soi-même. Aussi, toute tentative de disqualifier les désirs de cet autrui, au motif que d'origine hétéronome, ils ne seraient pas vraiment les siens, se dissout dans la plus complète trivialité. L'imputation d'hétéronomie ou d'aliénation à l'endroit de certains désirs n'est donc pas sans faire penser à celle d'idéologie à l'endroit de certains discours. Et de même que cette dernière stigmatisait moins des contenus précis que génériquement la pensée des autres, l'aliénation fonctionne le plus souvent comme désignation polémique de la vie passionnelle des autres. La femme voilée, ou le cadre workaholic, comme vous voulez, a beau certifier autant qu'elle peut qu'elle est pleinement consentante, c'est nous qui ne consentons pas à son consentement. Il apparaît ici que le principe de nos jugements sur les consentements ou les aliénations est bien moins donné dans la clarté du concept lui-même que par l'approbation ou la désapprobation que nous donnons spontanément à ces objets, et comme d'habitude d'après nos propres affects, connaissance du premier genre. Pour un cadre workaholic, son collègue d'à côté est aussi consentant que lui, pas la femme voilée, et les deux se trouvent magnifiquement libres, sauf s'ils entrent en rivalité, auquel cas l'homme saint d'esprit ça sera moi et le taré ça sera l'autre. La servitude volontaire ne fonctionne pas autrement. Elle n'est que le moyen de raccro pour saisir ces cas bizarres où l'intéressé dit oui, consent, alors que nous, à sa place, dirions non. Servitude volontaire est donc l'autre nom de ces consentements auxquels nous ne consentons pas et dont nous faisons par là des consentements douteux. Or, il n'y a pas d'un côté la contrainte, servitude, et de l'autre la liberté, consentement, avec une case intermédiaire pour ce qui serait des égarements de la liberté, servitude volontaire. Il n'y a que l'universelle servitude passionnelle, c'est-à-dire l'assujettissement à l'enchaînement des causes et des effets, qui détermine chacun de nos désirs et chacune de nos mobilisations. Mais ceci sans oublier le moins du monde, qu'assujetti heureux ou assujetti triste, ça fait de sacrées différences. Ce sont ces différences que l'entreprise néolibérale entend bien exploiter pour son propre compte. Et c'est la charge de ce travail que j'ai appelé épitumogénie, que de rendre les enrôlés contents, en les redéterminant à trouver désirables et réjouissantes les tâches qui leur sont assignées, pour le coup dans la plus incontestable hétéronomie, puisque c'est celle de la subordination hiérarchique salariale. Le travail épitumogénique de production d'un salariat content a pour objet d'organiser la division du travail sous l'égide du désir maître, c'est-à-dire d'y distribuer les individus, mais en s'assurant que leurs désirs ont été refaits de telle sorte qu'ils aient l'assignation joyeuse. Le projet néolibéral de la mobilisation productive par la joie rend alors plus visible encore ce qu'on pourrait appeler la doublure de désir des structures. De même que les structures du régime d'accumulation se doublent d'un régime d'affect et de désir, les structures micro- et macroéconomiques de la division du travail sont doublées par celles d'une division du désir. Car rendre réjouissantes les assignations en fait autoritaires de la division du travail suppose non seulement d'avoir orienté le désir des assignés vers les objets bien circonscrits de ces assignations, mais surtout de l'y avoir fixé. Le commandement combiné de la division du travail et de la division du désir est donc triple. 1. Voilà ce qu'il faut faire. 2. Voilà ce qu'il faut aimer faire. 3. Il ne faut rien aimer faire d'autre. Cette assignation du désir, comme complément de l'assignation productive, mais sur la voie d'une révision possible du concept de domination, autrement déstabilisé par la multiplication des assujettissements joyeux, alias les consentements. C'est bien dans une telle révision que s'est engagé Bourdieu à partir du concept de violence symbolique, compris comme l'ensemble des mécanismes sociaux conduisant les individus à trouver bonne leur situation, même quand ils sont dominés. Or, l'idée d'un système d'assignation soutenu par une division du désir permet d'en prolonger des intuitions. La fixation des enrôlés met en effet sur la voie d'une conception distributive de la domination comme répartition inégale des chances de joie. En ce sens, domination renvoie à l'ensemble des mécanismes permettant de cantonner certains à des domaines de joie restreints et de réserver à d'autres des domaines de joie élargis. Le commandement typiquement, mais il faudrait aussi y ajouter les captations de reconnaissance chaque fois qu'il est fait œuvre commune. Le commandement fait très évidemment partie de ces chances de joie inégalement distribuées. Avoir distingué un désir maître et des conatus enrôlés était en soi l'indication suffisante d'un rapport de domination persistant sous la surface des consentements. La première inégalité est bien celle qui tient à la distribution de la capacité d'initiative, c'est-à-dire à l'asymétrie entre initiative et ajustement. Grand D est déterminé de son côté, mais petit d est déterminé à s'ajuster à grand D. Le de son côté signifiant précisément que grand D apparaît à petit d comme souverain, guillemets, et autonome, guillemets. Or, Laurent Bove souligne le caractère quasi axiomatique aux yeux de Spinoza de la préférence non seulement pour vivre à sa guise, exio ingenio, plutôt qu'à la guise d'un autre, mais même, je cite, pour gouverner plutôt que d'être gouverné, TP 7.5. Rien n'est plus insupportable aux hommes que d'être soumis à leurs égaux et d'être dirigés par eux, ajoute le traité théologico-politique, 5.8. Il faut donc tout un travail social pour dissimuler l'égalité réelle, celle de cette nature humaine une et commune à tous, TP 7.27, et recréer de l'inégalité imaginaire, cela même de faire consentir au fait du gouvernement. C'est cette recréation que manifeste la division du désir, assignant imaginairement à chacun ce qui lui est permis de désirer selon sa qualité sociale. L'imaginaire du désir assigné est donc nécessairement pour certains un imaginaire de l'impuissance. Autolimitation du désir par mésestime de soi, potra traduit par bassesse, abjectio, c'est-à-dire cette tendance à, je cite, « faire de soi par tristesse moins d'état qu'il n'est juste », éthique 3, définition des affects 29. La mésestime de soi est donc le produit affectif le plus typique de la division du désir dans ses strates inférieures, telle qu'elle détermine les individus à ne pas désirer, entre guillemets, au-dessus de leurs moyens, c'est-à-dire finalement pas au-delà des assignations de la division du travail. De ce mécanisme entièrement social, que Bourdieu inscrit dans l'habitus, et par lequel, dit-il, les agents ajustent inconsciemment leurs espérances subjectives aux probabilités objectives. Spinoza donne la formule passionnelle en Éthique 3, définition des affects 28, explication. Je cite « Ce que l'on imagine ne pas pouvoir, on l'imagine nécessairement, et l'on est par cette imagination même disposé de telle sorte qu'on n'a effectivement pas le pouvoir qu'on imagine ne pas avoir. » Le capitalisme néolibéral s'engage donc dans l'entreprise de réjouir ses salariés, mais à pas strictement compter, puisqu'il s'agit de les réjouir avec certains objets bien circonscrits, tout en les décourageant d'aller chercher des joies au-delà de cette limite. Les effets passionnels du capitalisme néolibéral sont donc très mitigés. Ils sont même ambivalents, et parfois violemment contradictoires. Car dans le même temps où il s'efforce de développer un salariat content, Le capitalisme maltraite comme jamais depuis plus d'un demi-siècle. Cette violence dure, celle de l'intimidation, du harcèlement, du chantage ou de la terreur pure et simple, est pourtant le prévisible envers de la violence douce, qui lui fait envisager sans le moindre problème la possession totalitaire des âmes. Les deux trouvant leurs conditions de possibilité, et c'est là le point important, dans un nouvel état des structures tel que, dans leur rapport d'enrôlement, les désirs maîtres capitalistes n'y sont plus retenus par rien. C'est là le point important en effet, qui permet de retrouver qu'il n'y a pas de pouvoir-substance, mais seulement des effets de pouvoir, et que ces effets sont déterminés par les structures. C'est la configuration des structures du capitalisme qui détermine la distribution des capacités de pouvoir entre agents ou entre groupes d'agents. Il est ainsi évident que le rapport de force globale capital-travail se trouve sensiblement déplacé lorsqu'on passe d'une configuration où la relative clôture des marchés de biens et services limite la concurrence, le contrôle des investissements directs à l'étranger rend très faible la menace de délocalisation, les marchés financiers sont très étroits et réglementés, la politique économique est orientée vers la croissance et l'emploi, à une autre configuration où la dérèglement général des marchés de biens et services et des investissements directs intensifie la concurrence des produits et des territoires. La libéralisation financière soumet les entreprises à la contrainte actionnariale. La politique économique ne se préoccupe plus que d'inflation et d'équilibre budgétaire. Une telle transformation redote le capital d'une latitude stratégique telle qu'il peut imposer unilatéralement au travail tous ses réquisites de désir maître. Cette transformation structurelle d'ensemble est alors réfractée localement dans toutes les organisations, où la vie passionnelle enregistre les modifications de ces contraintes ambiantes. En l'occurrence, la double contrainte contradictoire d'avoir à dégager des rendements de capitaux propres sans cesse croissants, alors que les prix industriels sont sous de très fortes pressions concurrentielles, ne peut être accommodée autrement que par des améliorations indéfinies de productivité, c'est-à-dire par une intensification générale de la mobilisation. C'est ici la domination comme dépendance qui fait faire ce que l'épitumogénie réjouissante ne peut obtenir. Car en effet, l'entreprise est une structure laboétienne type, c'est-à-dire une pyramide hiérarchique de dépendance où chacun détient les clés de l'intérêt-désir de ses subordonnés, mais doit se rendre à ses supérieurs pour la poursuite du sien propre. Or, la remontée des pressions ambiantes a pour effet de propager la tension productive tout au long de cette chaîne de dépendance et d'accuser les enjeux en chacun de ses maillons. Tous les agents doivent lutter plus intensément pour satisfaire aux réquisites qui leur viennent du niveau hiérarchiquement supérieur, qui lui-même doit répondre à des demandes accrues du niveau du dessus, etc. Et inversement, chacun charge tous ceux pour qui il fait office de désir-maître intermédiaire, qui eux-mêmes, à leur tour, etc. De sorte que tous deviennent violenteurs et violentés, violenteurs à proportion de ce qu'ils sont violentés. Ce retour vers la violence s'effectue chaque fois que les enjeux productifs dépassent les possibilités du gouvernement à la joie, ne laissant plus que la solution du gouvernement par la crainte. Or, celle-ci est toujours immédiatement disponible, puisque c'est le socle fondamental du rapport salarial, la menace à la survie matérielle. Or, la menace à la survie, matérielle ou symbolique d'ailleurs, cette menace comme l'une des plus hautes qui soit, détermine des réactions dont l'intensité répond à la loi de proportionnalité énoncée en éthique 3.37. Le désir qui naît d'une tristesse ou d'une joie, d'un amour ou d'une haine, est d'autant plus grand que l'affect est plus grand. En l'occurrence, il naît d'une remontée de la crainte, qui est un affect triste, et ce qu'il peut faire n'est pas toujours beau à voir quand chacun a le sentiment de devoir se sauver soi-même en priorité. Tant qu'elle continue de se situer sous l'imperium du désir maître, ces réactions sont dirigées là où elles le peuvent, c'est-à-dire vers les autres enrôlés, et selon les rapports de sous-enrôlement que dessine la pyramide hiérarchique. Parallèlement à la mise sous tension productive, c'est donc la violence qui se propage d'un bout à l'autre de la chaîne et dans une stricte proportionnalité avec les affects de crainte induits par les nouvelles contraintes ambiantes. C'est donc le même capitalisme qui, contradictoirement, entreprend de réjouir et maltraite comme jamais. C'est donc peu dire que son régime affectif est un complexe hétérogène et même incohérent. Toujours est-il qu'il y a un régime affectif, entendre pas que des structures impersonnelles. Et c'est ici finalement que Spinoza complète Marx, en une synthèse théorique dont je voudrais pour finir dégager le principe. L'anthropologie du jeune Marx était sans doute problématique. Mais le Marx du Capital n'a presque plus d'anthropologie du tout. Or, dans le cadre des structures capitalistes, la vie salariale est aussi une vie passionnelle. Peut-être même faudrait-il envisager de poser les choses dans l'ordre inverse, et considérer en tout premier lieu que l'action est par essence désirante et passionnelle. Une science sociale spinoziste, en effet, part de l'idée que le conatus et les affects sont le primum mobile du monde social historique. Mais pour ajouter aussitôt après, que désir et passion sont toujours conformés dans et par les structures. L'énergie conative se coule dans les formes structurelles et institutionnelles qui lui donnent ses déterminations. Cette position, qui est celle, si l'on veut, d'un structuralisme passionnel, permet alors de dépasser l'antinomie ruineuse des structures et de l'agence, agency, qui oscille perpétuellement entre un monde de structures minérales et d'agents support passifs, et un monde individualiste interactionniste d'acteurs essentiellement libres. Pour sortir de cette antinomie, le structuralisme passionnel distingue et articule deux niveaux théoriques, le niveau des rapports sociaux et le niveau des interactions qui effectuent ces rapports et leur donnent leur apparaître phénoménologique. Dans l'interaction phénoménale d'un salarié et de son patron, c'est le rapport général de l'enrôlement salarial, structurellement armé, qui trouve une réalisation particulière. Les interactions effectuent donc les rapports, mais elles les effectuent d'une manière qui n'est pas mécanique, mais qui est créative et productive. Ce qui signifie en particulier ceci, si vous me passez l'expression. Les interactions effectuent les rapports, mais parfois ça peut déconner. Ça peut être des effectuations déconnantes, c'est-à-dire qui trahissent le rapport, qui ne l'appliquent pas, pas convenablement, pas à la lettre, au point le plus extrême, qui mettent en crise le lieu institutionnel du rapport, voire à la fin le rapport lui-même. Et voilà tout l'avantage du structuralisme passionnel. Quoique structuralisme, permettre de penser les crises, donc de penser l'histoire. Il y a de l'histoire et il y a des crises, parce que les structures sont passionnellement habitées. Parce que dans les structures, sans doute la plupart du temps sous leur emprise, se meuvent néanmoins des puissances d'agir et des forces désirantes. Les conatus ne se tiennent à l'obsequium que s'ils sont convenablement affectés, donc orientés par le désir maître. Tel bien sûr qu'il fait jouer en sa faveur toutes les structures de la domination. Le patron règne, appuyé sur les structures sociales du capitalisme. Mais bien qu'adossé à toute la force structurelle du rapport, le désir maître, dans l'interaction concrète, peut se montrer odieux, par exemple. Lorsque le désir maître attriste en masse et se fait haïr, il prend le risque de faire jouer, mais cette fois contre lui, et non plus entre les enrôlés, le mécanisme réactionnel d'éthique 337. Plus grande est la tristesse, plus grande est la puissance d'agir par laquelle l'homme s'efforce de lutter contre la tristesse. L'effectuation produit de la variance dans le rapport, mais ici ça produit de la divergence et du centrifuge. Si vous voulez, c'est ça le déconnage. Deleuze aurait pu dire, c'est ce qui fait fuir le rapport. Il y a alors quelque part dans le régime affectif un point critique, qui est un point d'intolérable, et dont le franchissement, par définition, détruit le complexe passionnel de l'obsequium et détermine maintenant les sujets à faire mouvement hors de la norme du désir maître. En d'autres termes, une affirmation de trop du désir maître a réaffecté les enrôlés, mais dans le mauvais sens. Les angles alpha se rouvrent, les sinus croissent, les vecteurs deviennent perpendiculaires. En termes géométriques, on peut même dire rigoureusement que maintenant les sujets prennent la tangente. Et c'est un mouvement d'échappement, de désenrôlement. Arrêt du travail, prise de la rue, séquestration, occupation ou reprise sauvage de l'usine à la manière des LIP, ce que vous voulez. Il faudrait évidemment beaucoup de temps pour en dire plus sur les conditions qui permettent ou non de passer d'une colère individuelle à une sédition collective, puis éventuellement à un devenir perpendiculaire de masse. Mais contrairement à ce que croit la pensée libérale, qui le plus souvent colonise également à leur insu les esprits se disant les plus antilibéraux, le devenir perpendiculaire n'est pas un magnifique moment de la liberté retrouvée. La philosophie du sujet croit être à son meilleur avec les épisodes révolutionnaires, et on nous bassine assez avec ça en ce moment. Et elle dénie toute possibilité de les penser aux pensées du déterminisme. C'est méconnaître la variété des choses auxquelles les hommes peuvent être déterminés. Devenir perpendiculaire n'est pas faire un saut miraculeux hors de l'ordre causal, mais seulement être déterminé à faire autre chose. Les séditions ou les révolutions ne sont donc pas des moments bénis de suspension du déterminisme ou de recouvrement par les hommes d'un pouvoir de création inconditionné. C'est toujours le jeu nécessaire des passions, mais poursuivi dans d'autres directions. De nouvelles affections ont produit de nouveaux affects qui ont déterminé de nouveaux mouvements. Au lieu de se rendre au désir maître et d'aller au travail, les corps s'échappent et se meuvent vers la rue. Il n'est besoin d'invoquer aucune interruption du déterminisme pour comprendre ce genre de choses. Plutôt d'analyser comment se sont constituées les nouvelles formations d'affect et comment l'état des structures a facilité ou entravé leur opération. L'affect séditieux, l'affect qui perpendicularise, c'est le mécontentement. On voit bien comment le paysage stratégique du mécontentement a été profondément modifié du fait des transformations structurelles passionnelles du capitalisme. Le bloc monolithique de mécontentement que Marx appelait prolétariat n'existe plus dans cet état. Les efforts du capitalisme, en partie réussis pour créer un salariat content, ont substitué au schéma bipolaire du salariat triste unifié contre le capital une configuration beaucoup moins nette, en camailleux si vous voulez, celle en fait d'un salariat comme continuum affectif, avec à un bout la fraction la plus joyeuse et la plus engagée du salariat, à l'autre la plus irrémédiablement triste. Et surtout entre les deux, tous les degrés de coexistence de joie et de tristesse, c'est-à-dire ce que Spinoza nomme la fluctuation animi, et subséquemment tous les degrés de collinéarisation. Toute cette variance affective peut cependant être réduite par une affection commune attristante suffisamment forte, la mesure gouvernementale de trop, ou bien un excès patronal, même local, mais qu'un grand nombre d'individus vont prendre pour eux. C'est l'affect d'indignation, soit l'affect triste qui n'est du mal fait à un autre, et qui par propagation mimétique va embraser la plaine. L'empire des normes, l'empire des institutions, se défait lorsque la balance affective consolidée passe suffisamment dans le rouge. Ça n'est plus au sens originel du terme la lutte des classes dans son schéma antagonique bipolaire qui se remanifeste. Et pourtant c'est bien contre le capital, mais comme rapport social, ici à comprendre comme forme de vie, que s'exprime la colère. C'est alors le bloc réhomogénéisé des mécontents qui remet l'histoire en marche, et les structures qui imposaient leurs affects normalisateurs sont maintenant bousculées par des passions perpendiculaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric pour cette très très belle conférence, extrêmement claire et tout à fait stimulante. Je suppose que nous avons beaucoup de questions, j'en ai pas mal, mais je ne suis pas le seul. Donc la parole est à la salle. Qui commence par la première question. Monsieur le Président, oui, là, hier. Oui, pardon, Alexis, je n'avais pas vu. Oui, évidemment, j'ai beaucoup de questions. Donc je me lance et je les choisis en même temps. D'abord, voilà, moi je suis très intéressé par toutes ces analyses de l'épistémogénèse du capitalisme, du structuralisme passionnel, du salariat comme continuum affectif. Je me demandais, en discutant et la lecture de votre ouvrage, si il ne faudrait pas en plus des descriptions au travail des effets d'étagement de ce gouvernement par la joie ou par la tristesse, ou peut-être, je me permets de poser une vraie question qui est que je ne comprends pas complètement si vous dites que le gouvernement par la joie et par la tristesse est le même pour les cadres et pour les salariés. Bon, je m'explique aussi, je pensais, en vous écoutant là, au fait que c'est assez proche finalement, dans un vocabulaire très très différent de certaines analyses de deux jours, même si évidemment il se réfère à la servitude volontaire, c'est moins politique que vous. Mais lui, il montre justement qu'il y a des strates au travail et que certains travailleurs ont pour prescription de produire chez d'autres soit de la peur, soit ou de la crainte, soit de la joie. Résultat, ça pourrait. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, avec ce parallèle et avec cette perspective de décrire plus finement, parce qu'au fond quand même c'est un peu, quand on vous écoute, c'est un peu choquant quand même. Le gouvernement par la joie et le gouvernement par la tristesse affectent tout le monde, même s'il y a un continuum, de la même manière. Et il y aurait j'aurais une deuxième question sur quelque chose donc, que vous avez moins évoqué là, mais qui est à la fin de votre ouvrage. Au fond, si on essaye de trouver la structure passionnelle possible pour une démocratie radicale, y compris au travail, évidemment, vous dites que c'est difficile de la définir à l'avance, on ne peut pas dire, etc. Mais c'est vraiment compliqué, y compris à l'intérieur de votre analyse, parce que vous dites qu'il y a un désir, vous dites pas comme ça, il y a une polarité d'asservissement qui correspond, attire des désirs. Mais à l'inverse, on ne voit pas du tout ce qui pourrait permettre, quel désir et quelle économie passionnelle peut permettre de vouloir participer politiquement, ce que vous dites, voilà. Donc, au fond, c'est ça qu'il faudrait. Mais alors, on ne voit pas du tout d'où ça sort. Pourquoi on peut vouloir ça? Je Bien sûr. Alors, il est difficile de ne pas souscrire à votre appel à des descriptions fines dans des situations de travail concrètes. Là, je suis pas complètement ignorant de l'énorme littérature de sociologie et de psychologie du travail qui se livre précisément à ces descriptions. Et c'est en partie pour les avoir lues dans une certaine mesure que cette réflexion-là m'a été inspirée. Et je ne voulais pas. Ma proposition était d'une nature différente. C'est-à-dire que j'ai voulu poser un cadre conceptuel à un niveau relativement abstrait dans lequel éventuellement ces sociologies et ces psychologies du travail pourraient trouver un intérêt et venir y piquenocher, etc. Plus un certain nombre de débats polémiques, hein, je veux bien le reconnaître, sur servitude volontaire, qui est effectivement peut-être le concept qui connaît la plus grande fortune hein, dans cette littérature-là, ou accessoirement aliénation, qu'on retrouve beaucoup aussi, mais fondamentalement, ce sont des projets qui sont tout à fait complémentaires. Et je ne voulais pas, non pas que je l'exclue pour un éventuel travail futur, mais je ne voulais pas me livrer à une monographie ou un travail d'enquête à quelque chose de ce genre, quoique ça constitue un débouché absolument évident. Alors, et en effet, seul ce genre de travaux, ce genre de monographie permet de voir le détail plus fin que vous avez mentionné dans votre question et de répondre à des questions comme celles que vous avez, comme celles que vous avez posées. C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement le même gouvernement par la joie pour cadres et salariés? Est-ce que ça affecte tout le monde de la même manière? Non, évidemment. Donc, mais si vous voulez, mes concepts, d'une certaine manière, ont les inconvénients de leurs avantages. C'est-à-dire, ils sont abstraits et du coup, ils sont grossiers. Donc, ils ne permettent pas de descendre dans le détail granulaire des situations concrètes. Évidemment, non. Le gouvernement ou la gouvernementalité capitaliste ne produit pas des effets exactement semblables sur les cadres ou sur les salariés. Même si je le maintiens, ces effets, quoique différenciés, trouvent à être subsumés sous les concepts généraux que j'ai essayé de proposer. Mais en particulier, vous avez fait vous-même d'ailleurs la réponse à votre question en disant qu'il entrait dans la fonction des cadres de prendre en charge eux-mêmes une partie du travail épitimogénique, c'est-à-dire une partie du travail de reconditionnement des salariés qu'ils ont sous leurs ordres, etc. etc. Mais ce genre de mission peut descendre très très bas hein, dans l'organigramme d'une entreprise avec des formes parfois particulièrement hypocrites ou duplices hein, J'ai lu il y a très peu de temps un papier qui était journalistique hein, sur les cafés Starbucks. Et c'était très impressionnant, puisque l'idéologie managériale du café Starbucks, c'est qu'il n'y a pas de supérieur, pas de subordonné, etc. On est tous partenaires. C'est dommage, hein, j'aurais dû l'amener, parce que les chartes de l'entreprise, elles sont particulièrement gratinées hein, sur nous ne sommes pas là au travail, c'est notre passion, etc. Enfin, il y a des trucs, c'est proprement hallucinant. Et la charge de l'autocontrôle et de l'autodirection est vraiment complètement diffusée avec très peu de dénivellations hiérarchiques et pourtant des dénivellations hiérarchiques que tout le monde connaît parce qu'il y a un gars dont j'ai oublié le titre officiel, mais qui est en gros le flic, quoi, qui est en charge du reporting. Et évidemment, ce qui change tout. Donc, non, ça n'affecte pas tout le monde de la même manière et à chaque fois, c'est en activant des mécanismes passionnels spécifiques. Bon, par exemple, on sait bien que dans la production du désir joyeux d'aller au travail, il peut y avoir des choses qui existaient d'ailleurs de longue date, hein, y compris dans le Fordisme, et qui ont à voir avec la sociabilité amicale au travail, des considérations sur les valeurs du travail bien fait, etc., etc. Ça, c'est pas des inventions spécifiques au néolibéralisme, même s'il continue de les faire jouer. Donc ça n'est pas tout le monde n'est pas affecté de la même manière. Alors sur votre deuxième question, que je suis pas sûr d'avoir très bien comprise. C'est-à-dire si, d'abord, en effet, hein, moi j'ai posé un problème dont je suis bien conscient de n'avoir pu lui fournir sa réponse complète. Je ne sais même pas si on pourrait la lui fournir. Le problème d'un devenir démocratique radical des organisations productives. Bon, alors j'étais entraîné presque tout seul, enfin sans le vouloir, par la logique d'un jeu de mots qui m'a conduit à donner le nom de récommune plutôt que d'entreprise au sens capitaliste du terme à ces choses-là, ces organisations productives, et qui en effet ont pour horizon un projet de démocratie radicale. Bon, alors reste à savoir effectivement comment par quel mécanisme serait assurée la mobilisation des individus pour aller se rendre sous ce genre de tâches productives. Mais pour le coup, je n'en ai pas la moindre idée. Et je pense qu'on échappe. Enfin, je veux dire, moi pour l'instant, dans la réflexion où j'en suis sur le sujet, je ne vois pas bien comment échapper à la persistance d'un mécanisme qui soit coercitif, quoi, je veux dire, et qui soit de la même coercition que le salariat. Il va falloir aller apporter sa force de travail, enfin, mutatis mutandis, hein, il va falloir s'engager dans ces activités collectives-là, parce que c'est ces activités-là qui continuent de donner le revenu monétaire, etc., etc. Mais la façon dont la division du travail s'organise est tout autre. Et à la vérité, moi, je m'étais pas posé ce problème que vous soulevez, je m'en suis posé un autre, que là aussi je n'ai fait qu'effleurer, mais qui tient à l'intuition que même sous une structure politique de démocratie radicale, il ne faut pas faire l'impasse sur les mécanismes passionnels qui conduisent à la. D'ailleurs, que Marx avait vu dans ses analyses de la division du travail, hein, je veux dire, qui conduisent à la recréation endogène de positions de pouvoir, de positions asymétriques, et donc à des potentiels de captation, etc., etc. Et c'est là que j'ai laissé le problème en plan. Hein. C'est-à-dire, je sais ce qu'il y a sur l'agenda. Sur l'agenda, il y aura comment penser des agencements institutionnels qui permettent, sinon de désarmer complètement, au moins de neutraliser autant que possible ce genre de mécanisme passionnel et de recréation parasite, d'asymétrie, de pouvoir, de capture. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, j'en avancerai une, moi, en reprenant un peu les modèles que tu as utilisés finalement pour analyser ou pour compléter, disons, sur le versant anthropologique au fond le travail de Marx. Ben, il y a d'un côté évidemment le modèle spinoziste, hein, qui est massif, évidemment, le modèle de l'analyse affective et passionnelle des processus de domination, et de l'autre, au fond, la sociologie de Bourdieu sur la mobilisation de la violence symbolique et des effets de la violence symbolique. Alors, je me demandais si on ne pouvait pas rajouter une dimension supplémentaire, au fond, qui aurait été finalement quelque chose comme la dimension freudienne, c'est-à-dire une espèce d'interférence finalement de la psychanalyse, de la sociologie ou des sciences sociales, et on a effectivement de temps à autre des signes autour de ça. Je pense en particulier à la manière dont quelqu'un comme Goljak, par exemple, dans son travail sur le coût de l'excellence, mobilise l'idée de constitution de forme de surmoi, où par exemple la structure entrepreneuriale arrive à se constituer une identité collective et à faire croire qu'elle a effectivement une identité collective du nous contre le eux dans un mécanisme compétitif et concurrentiel où on est assimilé à une équipe de football ou à une équipe sportive, et donc on structure comme ça une forme d'identité salariale qui devient une espèce de surmoi intériorisable. Le surmoi intériorisable fait qu'on demande un investissement, et l'investissement est donné à cette forme de surmoi, mais que ce surmoi, en un certain sens, est aussi déceptif, puisqu'il inclut des formes de non-gratification, de non-rémunération, des effets libidinaux inversés. Donc, est-ce qu'on pourrait, dans ton analyse, au fond, faire une place à des mécanismes d'intériorisation normative, de construction d'identité, comme on pourrait le faire à partir de Freud, par exemple ? Bah, c'est extrêmement tentant, bien sûr. J'ai une position toujours un peu ambivalente sur le sujet, c'est-à-dire c'est extrêmement tentant intellectuellement, et je concède une certaine réticence, mais sans doute pour de mauvaises raisons, à m'engager dans une mobilisation intensive de la psychanalyse. Mais oui, c'est tentant, et alors en particulier, là où spontanément ça me viendrait à l'idée, c'est dans la clarification des mécanismes qui sont au principe de la détermination vocationnelle. C'est-à-dire en tant précisément que ce sont des concentrés biographiques qui s'expriment là-dedans avec des cheminements souterrains parfois très lointains. Alors pour ma part, enfin c'est peut-être un peu décalé comme réponse, mais dans ce genre-là quand même, je me suis toujours demandé si les chercheurs s'interrogeaient, sans doute oui, mais sur ce que ça donnerait, si on le savait, sur les mécanismes qui ont déterminé leur choix d'objet, leur choix de thème. Je veux dire, c'est toujours trouvé ça très intéressant. Hein, je veux dire, s'intéresser, je sais pas, passer sa vie sur la théorie de l'État, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Ou consacrer tous ses efforts à la monnaie, ou à la violence, ou au pouvoir. Enfin, bon, voilà. Donc là, il me semble qu'il y aurait, des cas qui seraient tout à fait parlant pour mobiliser ce genre d'approche, et puis on voit bien qu'on pourrait les généraliser à de tout autres engagements vocationnels. Alors, ça me poserait sans doute un problème particulier de compatibilité entre les hypothèses psychanalytiques sur l'inconscient et mon cadre spinoziste. C'est toujours un peu compliqué. Hein. On sait qu'il y a des choses, ça se parle quand même beaucoup, hein, c'est évident, mais il y a quand même de gros points rugueux, hein, entre psychanalyse et spinozisme, notamment l'inconscient, la conception fondamentale du désir. Bon, voilà. Bon, il faudrait trouver des synthèses un peu malignes. Hein. Je ne sais pas comment il faudrait faire. D'accord. Oui, Cécile. Oui, moi, pour reprendre, en fait, la deuxième question d'Alexis, sur la manière d'essayer de penser les modalités d'une démocratie radicale sur la base de ce structuralisme des affects. Je me disais, est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas essayer de... Mais peut-être que c'est quelque chose que tu fais et que je n'ai pas bien repéré dans ton cas, mais il ne faudrait pas repérer à un moment donné la manière dont se constitue sur la base de ces jeux d'affects et donc sur la base d'imitation, de contamination des affects, justement les structures en fait, qui vont donner au capitalisme ça. Oui. Une forme de rigidité et d'institutionnalisation de certaines inclinations et de collinéarisation. parce que du coup, je me dis, si en fait ton modèle pouvait être étendu à justement une espèce de ontogénèse de ces structures, oui. Éventuellement. Identifier les mécanismes affectifs avec eux. Mais je ne sais pas en fait si c'est possible. C'est-à-dire, je pense que c'est un idéal théorique mais inatteignable, parce que c'est trop compliqué. Alors, mais en effet, le point que tu soulignes est important, c'est-à-dire que dans le modèle complet d'un structuralisme des affects, il y a les deux idées, premièrement, que ce sont les structures qui déterminent les affects et les efforts, mais deuxièmement, que... préalablement, plutôt, les structures elles-mêmes sont des sortes de cristallisations affectives. Je veux dire, les structures, les institutions sont faites à base d'une matière qui est affective, à base d'une matière qui est passionnelle. Mais l'engendrement des institutions et des structures, déployer complètement un modèle d'engendrement des structures par le jeu endogène des passions, c'est une tâche extraordinairement difficile. Alors, pour plein de raisons, hein. La principale étant que on ne voit jamais immédiatement à l'œuvre les mécanismes affectifs dans les productions institutionnelles contemporaines. Pour cette raison que, grosso modo, le processus de la création institutionnelle est autocatalytique. Je veux dire par là que les institutions naissent à partir des institutions. Des institutions se constituent à partir d'institutions préexistantes dont elles héritent de la force affective cristallisée. Alors, c'est pour ça que le modèle complet demanderait de remonter jusqu'à ce point de fantasme théorique qui est l'origine des temps institutionnels. Donc ce truc qui n'a pas de sens, quoi. Alors, on ne peut se livrer cependant à l'exercice qu'à deux conditions. Alors, moi, André Orléans et moi avions essayé de le faire à propos de la monnaie, mais c'était un exercice très particulier. Bon, d'abord, c'était, si je puis dire, à propos d'une forme institutionnelle simple, enfin, il faut s'entendre hein, sur le mot simple, qui est la monnaie, et c'était surtout dans un exercice théorique assez spécial auquel nous avions donné le nom de jeunesse conceptuelle. pour le distinguer de ce qui serait une genèse historique. Il ne s'agissait pas du tout de remonter à cette origine fantasmatique des temps monétaires où s'invente la monnaie. Ceci n'a pas de sens. Il y a des phrases d'ailleurs de Durkheim dans Les formes élémentaires de la vie religieuse qui sont vraiment très intéressantes là-dessus, sur le fait que imaginer se placer à l'origine historique des temps institutionnels est un non-sens total, mais c'est une expérience de pensée qui peut avoir du sens théoriquement parlant. Donc c'est un exercice de jeunesse conceptuelle dans lequel on part d'un modèle totalement fictif et ad hoc, qui a néanmoins la propriété de reconstituer, un peu comme en laboratoire, si tu veux, le fait que le jeu endogène des passions peut bien aboutir à l'émergence d'un objet structural comme la monnaie, en sachant que c'est pas comme ça que les choses se sont passées dans l'histoire, et que néanmoins, ce sont quand même ces mécanismes affectifs qui sont à l'œuvre dans les fonctionnements réels et contemporains de l'ordre monétaire, et que d'ailleurs, on peut les redécouvrir chaque fois qu'il y a une crise de cet ordre monétaire. Parce que précisément, la crise, c'est comme une machine à remonter dans le temps, quoi. Ça fait revenir vers les origines recouvertes. Ça remet à nu des processus fondamentaux, qui sont des processus passionnels, qu'on ne voit pas lorsque la forme institutionnelle est en régime, qu'on ne voit pas aussi bien. Donc, à ta question, réponse oui, mais probablement comme un rêve, quoi. Donc il n'y aura pas le modèle complet, quoi, de la société avec l'engendrement par les compositions d'affects, des structures qui déterminent les affects après, etc., etc. Alors on doit pouvoir se livrer à ça, mais comme par un exercice variationnel, c'est-à-dire on regarde un cas de genèse institutionnelle. Et on en fait l'analyse tout à fait circonscrite. Et alors là, en sachant que dans ce mécanisme de genèse institutionnelle, il y a la part des autres institutions, elle est là, elle est héritée, c'est un produit de l'histoire, et on voit les petites variations affectives qui ont été faites autour par des efforts de puissance, des luttes politiques, des trucs comme ça, pour aboutir aux nouveaux zinzins. Mais je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux sinon. Enfin, j'ai l'impression. Il y a une question là. Je voulais relever le paradoxe en fait que tu esquisses un petit peu, le fait qu'à mesure que les entreprises en fait cherchent à enrôler, y compris la subjectivité, à motiver, etc., le travail aussi perd du sens et c'est de plus en plus difficile, mais quand même dans cette situation-là, il me semble, effectivement, d'être mobilisé par le travail qu'on fait. Et ce qui m'a interpellée, enfin, parce que j'ai aussi entendu, enfin, pas entendu, peut-être plutôt, c'est cette absence en fait dans l'exposé que tu sais de l'activité en tant que telle, c'est-à-dire que le désir maître, ok, mais dans le travail on ne se soumet pas seulement à un désir maître, d'ailleurs là aussi il y aurait la question de ce qu'il est singulier, enfin dans ce univoque, hein, parce que on sait bien qu'il y a des directions donc, qui ont aussi chacune qui peuvent avoir aussi des mots d'ordre qui peuvent être différents, contradictoires. Donc, peut-être pas si unique que ça, mais bon, disons, il y a un désir maître, mais voilà, ça n'est pas uniquement un alignement des salariés, des individus par rapport à ce désir maître, mais il y a aussi des affects qui sont suscités par le réel de l'activité lui-même. Voilà, et donc ça, c'était peut-être quelque chose qui était, il me semble, en tout cas, un petit peu absent, en tout cas, moi, qui, effectivement, pour moi, ça a une importance aussi là-dedans. Et puis, juste aussi, sur la citer des paroles, en fait, hein, des individus au travail qui parlent de passion, de bonheur, etc. C'est des choses qu'on entend à côté d'autres discours qui, au contraire, mettent l'accent sur la souffrance, qu'on a un peu nos deux antipodes, en fait, hein, deux extrêmes. Alors oui, c'est vrai, alors, mais en même temps, enfin, effectivement, il y a quelque chose de très normé, là, puisque parfois, on a vraiment l'impression que j'en récite, hein, des discours appris hein, sur oui, c'est une passion, le client, c'est super, enfin, etc. Enfin, voilà. On peut se dire, ben, soit effectivement, dans certains cas, c'est stratégique, hein, puisque voilà, on leur a dit, c'est des sons qu'on va entendre. Oui. Voilà. On les dit. Servent, hein, puisque. Voilà. Soit quoi. Alors, soit, moi, quand même, ça me fait un problème, tu écartes complètement l'idée d'aliénation, avec une critique radicale. Hein, point, si j'ai bien compris, toi, l'aliénation, ça n'existe pas. Hein. Et ou alors ça ne sert à rien, enfin je veux dire, je sais pas, moi ce que j'ai entendu, hein, je sais, Et là, je ne sais pas, pour moi, l'aliénation, ce n'est pas la détermination, ce n'est pas le fait d'être déterminé, puisque, effectivement, c'est pas ça, c'est le fait de ne pas le voir, de ne pas le savoir. En fait. Voilà, je ne sais pas si. Alors, non, c'est pas que l'aliénation n'existe pas, ou alors elle n'existe pas sur le mode du trop d'exister, pour moi. Elle est partout. C'est l'aliénation de l'assujettissement à la causalité passionnelle. Donc à la limite, voilà, elle est tellement universelle que du coup, c'est pour ça que je trouve que les usages du concept en sont dissous. Alors, Stéphane Haber est là, j'ai lu abondamment son livre, qui m'avait passionné d'ailleurs, mais quoi que j'en sois resté à des divergences théoriques persistantes, mais ce que j'en avais retenu surtout, c'est d'abord l'extrême variété des significations théoriques du concept, moi j'en visais un sens qui est tout à fait particulier, hein, donc à l'exclusion de tous les autres, mais en particulier celle qui c'est le sens qui stigmatise cette sorte je mets partout puisque là je vais parler le langage de l'aliénation que je partage pas complètement, cette sorte d'étrangeté à soi-même qui fait faire à l'individu des choses dont du dehors on estime qu'elles nuisent à ses propres intérêts. Bon. Or, être déterminé en partie par le dehors, c'est la condition universelle du mode fini humain. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on... J'allais dire comme tout le monde, enfin, c'est un peu bizarre hein, comme expression, mais le concept d'aliénation, comme celui de servitude volontaire, m'a pendant longtemps beaucoup parlé. Et puis c'est au bout d'un moment, constatant que finalement, on ne passait d'un cas où moi j'étais porté à diagnostiquer l'aliénation de manière incontestable à des cas où elle m'apparaissait absolument absente, on ne passait d'un de ces cas à l'autre que par des variations de degré et pas par des variations de nature, et que même à la limite formellement parlant ils étaient semblables. C'est un peu idiot, c'est pas un argument très théorique, hein, c'est une anecdote, mais un chercheur, décidément c'est un très beau matériel d'observation, hein, les chercheurs, pour lequel j'ai la plus grande estime intellectuelle, qui un jour parlait de je ne sais plus quelle personne en me disant qu'il était que cette personne était terriblement aliénée, etc. et qui m'a dit mais moi ça va, je suis pas aliéné du tout. Et alors c'est quand même une personne qui travaille 20 heures par jour, qui a banni de son vocabulaire le mot de vacances, qui s'en vante, hein, etc. Et ça m'a rappelé, bon, anecdote dans anecdote, une autre discussion avec une autre chercheuse. Là je reviens vers toi Christian, puisqu'il s'agissait de psychanalyse, à qui dans une conversation vraiment de comptoir je disais cette trivialité, oh bah oui mais on est tous névrosés à un degré ou un autre, c'est une chercheuse allemande, et qui m'a dit, ah mais je foutement de bien, pardon, je ne suis pas névrosé du tout. Moyennant quoi, dans les deux jours de colloque qui ont suivi, elle a mis un soin méthodique à nous démontrer le contraire, quoi. Donc c'était, voilà. Et j'en suis venu à penser que l'aliénation était un prédicat qui méritait le même genre d'énoncé que la névrose. Enfin, voilà. Bon, alors, sur le travail qui perd du sens, en dépit des efforts épistémologiques, là c'est pareil, mes instruments sont trop rustiques pour atteindre le degré de détail de ce que tu dis. Mais je suis d'accord en principe. En fait, tous les cas sont dans la nature. C'est-à-dire que le travail épistémologique, s'il échoue, peut accroître le sentiment de perte de sens du travail, en effet. C'est-à-dire qu'il expose l'enrôlé à l'affect triste supplémentaire de se voir objet d'une entreprise de conditionnement. Je veux dire, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en effet, il répète mécaniquement la rhétorique de l'entreprise à laquelle il ne croit pas un instant, ou alors à laquelle il essaye de croire, mais enfin dans un mélange d'affect un peu bizarre, hein, qui rend flou un peu tout ça. Et puis il y a d'autres situations où au contraire, le travail épistémologique réussit. Et ça donne aux individus le sens du sens du travail, le sentiment du sens du travail. Alors, au début, ma première vision du problème, c'était en fait, la répartition du gouvernement par la joie ou du gouvernement par la crainte, elle s'effectue en quelque sorte sectoriellement et par entreprise. Alors l'idée simple, c'était, en gros, il y a des entreprises, vous faites des piles à la chaîne dans les usines Vonder, vous êtes dans un salariat gouverné par la crainte. Mais sur le Google Campus, c'est trop le fun. Voilà. Bon, donc il y a une séparation comme ça, un peu sectorielle, par entreprise, etc. En fait, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et ou beaucoup plus mélangées. Moi, les lieux qui m'intéressent spécialement, ce sont les lieux où précisément on voit les deux se mélanger de manière totalement incohérente et monstrueuse. Cas type, France Télécom. Je veux dire, ou le technocentre de Guyancourt, à mon avis, est le lieu où aussi bien on se balance par la fenêtre que on est super exalté de faire devenir la voiture électrique qui va sauver la planète. Voilà. Donc, et tout ça est très interpénétré, très mélangé. Donc effectivement, il faut aller démêler ça digitalement en situation, quoi, ce que je ne fais pas. Question derrière moi, j'ai une nécessité homoplatique, donc je ne l'ai pas vue. Je voudrais dire comment votre travail est important, parce que avec Nicolas, nous venons du monde des beaux-arts. Et donc, l'importance primaire, fondamentale que votre travail amène, c'est que vous mettez en lumière cette relation entre organisation des relations de production et système des structures des affects. J'ai du mal un peu avec votre terminologie parce que c'est récent la prise de la connaissance de votre travail. Donc, si quelqu'un de vous a fréquenté, par exemple, l'univers des galeries d'art ou le monde des écoles des beaux-arts, vous voyez que là, tout est vécu comme s'il y a une séparation définitive, totale, et comme si la finalité de l'homme est que tout le monde soit des artistes, parce que ça, c'est le vrai modèle existentiel, et que le reste, c'est encore un accident qui ne doit pas perdurer longtemps. Et donc, je ne sais pas si on peut la définir en relation, ou si on peut le définir, je ne sais pas, adhésion ou servitude volontaire, mais c'est une réalité qui fait que, on parle des arts plastiques, mais même du monde diffus, du théâtre, du monde des arts plastiques, il y a vraiment une structure philosophique et des théories esthétiques qui énumèrent toute une série de points qui font qu'il y a cette séparation et que l'organisation des rapports de production, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est énoncé dans un tableau. Voilà. Alors que nous pensons que pas peut-être trop évident, mais c'est vraiment époustouflant comme les deux sont, ils se construisent l'un avec l'autre. Peut-être, je ne sais pas si vous fréquentez le monde des galeries d'art, parfois vous avez une sensation d'étrangeté, mais peut-être parce que vous cherchez les critères avec lesquels ils construisent les œuvres, mais si vous peut-être utilisez vos critères, vous allez comprendre beaucoup plus que l'artiste même qui a réalisé les œuvres, parce que en fait il s'agit d'une armée qui construit des discours dont le modèle conceptuel lui échappe. Donc je trouve que votre travail est vraiment fondamental. Après, il y a quelques interrogations, si vous voulez, et la question de la structure affective, enfin, toujours pardonnez-moi la terminologie. Mais alors, si vous permettez, je dirais que les structures sont toujours, si les structures sont synchroniques, elles sont toujours dans des diachronies. Et vous avez parlé aussi du fordisme, dans lequel, entre le fordisme et la structure actuelle, il y a eu des modifications, enfin des changements. Je ne saurais pas maintenant répéter, mais je crois qu'il y a une suite de modifications, peut-être la même structure, ou alors des structures différentes, comme on peut l'annoncer. Et du point de vue politique, ça est une remarque très importante parce que. Et si nous pensons de rechercher la vraie structure, c'est-à-dire si notre finalité politique s'oriente à la recherche de la vraie structure pour chercher à comprendre laquelle c'est la bonne, comment on peut la faire, je pense que ça nous complique la tâche et que ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Et je fais donc la troisième observation, dans le sens que dans une démocratie radicale, laquelle c'est la bonne structure. Alors, je ne poserai pas les questions à ce terme, parce que moi-même, on rêve toujours de vivre dans une situation la plus intéressante, la meilleure, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas penser à abolir les conflits. C'est-à-dire, même quand je pense à une démocratie radicale, je pense à une démocratie avec des conflits. Et que la vraie question de la démocratie, c'est que dans le développement des conflits, les opérateurs qui travaillent au conflit, ils aillent le même pouvoir des formulations ou des fabrications des pensées. La vraie question aujourd'hui, c'est que le néolibéralisme, il a eu des institutions, des universités, des chercheurs, des moyens dans lesquels cette pensée, cette structure à l'intérieur de la diachronie a pris forme avec des instituts qu'ils ont investis, qui va de Deleuze jusqu'à Freeman à l'école de Chicago. Donc ils ont eu des moyens matériels pour construire une pensée. D'accord? Bon, dans une démocratie, quand on parle des ouvriers de Renault ou de Télécom, eux, quelle structure, quel institut ont derrière pour construire un autre modèle, pas l'antimodèle, mais un autre modèle d'une autre structure affective? Alors je dis, dans une démocratie radicale, le problème c'est que les différents groupes d'intérêts sociaux ils puissent constituer, diriger, former des structures, des instituts dans lesquels on peut produire des structures affectives différentes, sans abolir la conflictualité ou la dialectique, si vous voulez, parce que je pense que la démocratie radicale, ce n'est pas une démocratie de l'utopie dans laquelle tout à fait on est annihilé, on est des anges. Il faut continuer à être des hommes, que c'est très bon. Quoi. Merci. Écoutez, mais je suis vraiment content de ce que vous m'avez dit sur le monde de l'art, parce que figurez-vous que à une autre occasion avec d'autres problématiques, j'y ai fait une petite incursion il y a quelque temps autour des problématiques de la valeur. Et il se trouve que le modèle spinoziste peut aider à dire des choses intéressantes en cette matière. Mais alors évidemment, c'est tout autre chose que le problème que vous avez soulevé. Du coup, je pense que je vais aller me promener en effet avec un autre regard. Alors, je réponds surtout à votre troisième observation sur le qu'est-ce que c'est que la bonne structure de la démocratie radicale. Moi, c'est une question qui m'inspire toujours des sentiments aussi mêlés. C'est-à-dire, mon premier mouvement, c'est de dire rien ne serait pire qu'un intellectuel en chambre se mettant à élaborer la structure parfaite de la démocratie radicale. Ceci est une affaire d'invention par les individus eux-mêmes. Bon. Et puis contradictoirement, je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas réfréner le mouvement d'y réfléchir quand même. Et alors, à défaut d'aboutir au plan grandiose et tout armé, alors heureusement, j'en suis pas capable, il y a un certain nombre de problèmes au moins sur lesquels on peut mettre l'accent, et en particulier celui que vous avez mentionné et auquel je suis très sensible, c'est-à-dire le problème du conflit et de la violence. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas pire que les utopies d'éradication institutionnelle de la violence, et que c'est le passeport vers les plus grandes violences. Bon. Donc, si on ne peut pas l'éradiquer, la seule solution, c'est de l'accommoder. Alors, c'est là que, après, que l'inventivité institutionnelle, c'est-à-dire avoir l'idée de mécanismes extrêmement pratiques, vraiment, hein, c'est des trucs à base de durée des mandats, rotation des mandats, nombre des conseils, hiérarchie. Enfin, des choses vraiment très très très très prosaïques comme ça, qui seules peuvent donner des réponses qui seront, dans le meilleur des cas, un second best, un third best, etc. Mais enfin, l'optimum optimorum de la démocratie radicale débarrassée de tout conflit et de toute violence est un truc impensable, tout simplement parce que la violence est l'un des corrélats malheureusement probable de déconnatus en interaction, c'est-à-dire de puissance de désir qui n'ont malheureusement pas encore accédé à la mise en œuvre existentielle de la deuxième partie de la partie 4, de la deuxième moitié de la partie 4 ou de la partie 5 de l'éthique. Voilà. Oui, Jacques. Éclaire. Non, allez-y, Jacques. Moi, voilà, bon, j'ai beaucoup aimé cet exposé. J'ai trois petites questions, mais qui n'en sont qu'une. La première, c'est une difficulté, je crois, que nous rencontrons tous, enfin, tous ceux qui travaillent un peu dans ce domaine, c'est celui de l'application de schèmes anthropologiques généraux à des situations particulières. Alors là, bon, c'est presque trop beau, parce que on parle du néolibéralisme, c'est exactement ce que Spinoza avait dit. Donc on est prêt. Spinoza le dit aussi de toute organisation sociale. Alors, évidemment, on a en même temps, on nous est donné la spécificité. Là, on a la liquidité du capital, un certain niveau de développement des institutions. Mais alors, comment est-ce que se produit cette mystérieuse alchimie de la philosophie et de l'économie? Comment est pensée l'intervention du travail philosophique dans le terrain de sciences sociales? Alors, deuxième petite question, tu as exclu au départ le marché. Je n'ai pas compris si c'était une exclusion un peu pédagogique ou fondée sur le principe, parce que division du travail, c'est une autre manière de dire coordination du travail. Oui. Et bon, c'est notamment depuis... Le capital, Marx a très bien exposé ça, qu'il y a deux modes de division du travail, comme il dit, qui sont deux modes de coordination, le marché d'un côté et l'organisation dont l'entreprise, dont on a parlé aujourd'hui, est le chef. Mais est-ce qu'on peut, à partir de la seule, du schéma de l'entreprise, de la hiérarchie, penser la société tout entière, on peut dire, en appelant capitaliste. Alors, ça m'amène à la troisième question qui était courte aussi, parce que là, mais peut-être sans doute parce que c'est qu'une partie d'un projet théorique plus vaste, le désir maître a été, enfin, le désir dans sa puissance, si on peut dire, a été attribué au capitaliste. Et tout le reste est servitude volontaire, joyeuse ou triste, un certain... Ouais, mais alors, bon, évidemment, on ne peut pas penser que c'est le capitalisme qui fait le monde, la beauté des choses, nos institutions, nos écoles, la démocratie et le suffrage universel, parce que partout il s'oppose à ces choses dans la loi sociale, et qu'il est un peu puissant. Alors donc, il faut bien aussi penser la puissance d'en bas, et je pense que Spinoza pourrait peut-être nous aider. Et bon, là, tu l'as évoqué un peu en termes négatifs. Bon, on a devant ce désir maître, on peut arrêter le travail, c'est qu'est-ce que les patrons descendent dans la rue, etc. Et est-ce que, disons, et là on a une image, c'est ce que font beaucoup de philosophes d'une certaine manière, il y a dans la philosophie masse de recours extraordinaire pour un discours imprécatoire sur la société. Mais est-ce que c'est un tableau global? Comment penser la puissance d'en bas et le désir qui va avec? Alors, je pense que tu peux certainement le faire. Mais disons, il y a une certaine difficulté en partant du désir maître comme celui de... Voilà. Alors, je réponds à tes trois questions dans le désordre. L'exclusion, je suis entièrement d'accord, je pars de ta deuxième question, entièrement d'accord avec ce que tu as dit sur les deux modes de coordination de la division du travail, que sont l'un le marché, l'autre l'organisation, etc. Et effectivement, je ne parle pas du marché. C'est pas une exclusion qui aurait pour sens que le marché est un élément non pertinent dans la description des sociétés contemporaines. C'est tout simplement que c'était un choix d'objet. Je veux dire, c'était pas mon objet là. Voilà, ça n'est pas autre chose. Et Dieu sait que ça me paraît d'une très très grande importance. Hein. Donc là, vraiment, c'était pas du tout ça. Donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne pensera pas toute la société avec seulement le mode de coordination de l'organisation. Troisième question, sur la puissance d'en bas. Alors, je suis passé peut-être un peu vite, mais il faut, donc je vais le redire. Le désir n'est pas la prérogative que du désir maître. Oui, il y a du désir partout. Il y a du désir des enrôlés, puisqu'ils font mouvement. Et alors, là pour le coup, je vais te faire une réponse qui va tomber sous le coup de ton objection, de ta toute première objection, c'est que je trouve qu'il y a chez Spinoza un concept extraordinairement puissant pour penser ça, la puissance d'en bas, c'est ce qu'il appelle la puissance de la multitude, qui est, me semble-t-il, alors quand on prend, évidemment le concept est présenté de manière finalement assez allusive dans le traité politique, et on doit essentiellement à Alexandre Matron d'en avoir donné le plein développement. Mais avec ces ajouts-là, il faut reconnaître qu'on a un instrument qui est sacrément performant et qui, à mon avis, donne véritablement son concept à cette notion que Durkheim avait envisagée en son temps, mais sur un mode très intuitif, en parlant de puissance morale de la société. La puissance morale de la société, Dieu sait que c'est vraiment une appellation qui a un pouvoir de suggestion qui est extrêmement fort, mais qui reste essentiel, bon c'est surtout dans les formes élémentaires de la vie religieuse, qui reste à cet état très heuristique. Bon, j'ai le sentiment que puissance de la multitude, dans tout son déploiement conceptuel, permet de donner vraiment sens à cette idée de la puissance morale de la société qui, d'une certaine manière, est aussi la puissance d'en bas. C'est-à-dire, cette puissance d'en bas, c'est celle que Spinoza évoque dans la lettre 50, je crois, à Gélès, lorsqu'on lui demande ce qu'il différencie de Hobbes. Et Spinoza répond « Je n'accorde de droit au souverain que dans la mesure où, par la puissance, il l'emporte sur les citoyens, sur les sujets, pardon, que dans la mesure où il l'emporte par la puissance sur les sujets. Ce qui signifie, en gros, dans le modèle complet de la théorie de l'État qui est livrée dans le traité politique, que le souverain a capté une part de la puissance de la multitude suffisante pour régner sur la multitude elle-même. Et c'était bien le sens de tout le travail de Matron, puis alors aussi de Negri, là pour une fois je suis d'accord avec lui, sur cette distinction conceptuelle entre potestas et potentia, entre pouvoir et puissance. Le pouvoir, celui du souverain, ça n'est jamais qu'un pouvoir d'emprunt, c'est-à-dire c'est le produit d'une captation de la puissance de la multitude, mais elle est toujours là, et elle est toujours susceptible d'être récupérée et de se reconstituer précisément sous la forme de ce que tu appelles la puissance d'en bas, qui alors peut rentrer en confrontation avec les institutions du pouvoir. La première de tes questions, je suis pas encore très au clair moi-même dans cette affaire, parce que il y aurait lieu de réfléchir très généralement sur les rapports de la philosophie et des sciences sociales. Lorsque, par exemple, on prend l'un des chercheurs en sciences sociales les plus philosophes qui soient, Bourdieu, il me semble que la présence de la philosophie dans sa sociologie répond à une modalité très très particulière, qui est double d'ailleurs. C'est-à-dire, on voit que sa culture philosophique est puissamment structurante de ses intuitions théoriques les plus profondes, mais qu'en même temps, dans le discours de sa sociologie même, la philosophie est explicitement peu présente, ou alors elle l'est sur un mode métaphorique le plus souvent. Je vais te donner un exemple. Évidemment, tu te doutes que, à partir du moment où j'ai commencé à me voir tomber dans la marmite spinoziste, je suis allé reprendre les œuvres de Bourdieu à chaque fois en regardant l'index rerum et en cherchant Conatus, comme un malade. Bon. Alors, on le trouve des fois, avec très peu d'occurrence, et toujours sous une forme imagée. Comme si, et appliqué mieux, pas à des individus, mais à des corps collectifs, ce qui est l'application la plus. La plus difficile à mettre en œuvre, hein, théoriquement parlant. Comme si l'institution avait un conatus, etc. Donc toujours dans des clauses de comme si. C'est toujours sur un mode imagé, illustratif, etc., qu'on voit apparaître le géométral de Leibniz, le conatus de l'institution, etc. Or, le fait est que, de manière tout à fait inintentionnelle, c'était pas prémédité, je me retrouve à touiller une espèce de petite marmite où il y a une science sociale dans laquelle la philosophie est massivement présente par ses concepts. C'est-à-dire les concepts sont mobilisés directement et à titre positif, pas seulement comme image, pas seulement. Et ça pose des problèmes. Alors il se trouve que là ça fonctionne parce que j'ai le goût d'une philosophie particulière, qui est celle de Spinoza, qui est une philosophie classique. Donc d'une philosophie qui remonte à l'époque où la séparation philosophie et sciences sociales n'était pas faite. Et c'est la raison pour laquelle c'est une philosophie qui se prête idéalement à se prolonger en sciences sociales, qui appelle même ce prolongement sous cette forme particulière. Et donc c'est pour ça que ça peut marcher. Mais ça fait pas une formule universalisable, hein, j'en ai bien conscience. Question claire, et puis j'en poserai une aussi après. Petite question. Donc là, ça, j'aime pas quand ça commence comme ça. Je suis pas sûre d'arriver à comprendre comment, avec le modèle que vous proposez, celui de la causalité passionnelle, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ne trouve pas les réactions négatives de mécontentement et d'indignation dont vous parlez là où on les attend. C'est-à-dire, on a l'impression dans votre présentation que tout se passe comme si, si on passe un effet de seuil dans l'exigence de mobilisation du désir maître, alors on va avoir des réactions de protestation négatives, on ne va plus avoir de consentement. Et pourtant, nous on a l'impression, peut-être au niveau social global et pas au niveau individuel, que souvent on ne trouve pas ces réactions négatives là où la causalité actuelle nous les laisserait attendre. Oui. Et si vous voulez, on a l'impression que vous expliquez du coup le consentement souvent par une forme d'ambivalence, c'est-à-dire il y a un revers de jouissance à la maltraitance, mais il y a des tas de situations où nous, on ne voit plus forcément ce revers de jouissance, et puis on a du mal à comprendre pourquoi il y a de l'atonie, alors qu'on a une puissance de contrainte qui a passé un seuil, et on attendrait une... Enfin, vous voyez ? Oui, je comprends, oui. Je crois que je comprends. Mais là, c'est pareil, je pense que... je pourrais vous faire une réponse en toute généralité, mais ce ne serait pas très intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut aller faire la clinique d'une situation passionnelle particulière, et voir... ce qui encourage ou ce qui réprime dans le dispositif institutionnel, le schéma des contraintes d'ensemble de cette situation, ce qui encourage ou ce qui entrave l'expression de ces affects de mécontentement. Et d'ailleurs, des affects de mécontentement, ça peut avoir des expressions très variées. Je veux dire, un affect de mécontentement, ça peut passer, ça peut s'exprimer comme désinvestissement complet. Donc je suis là au travail, mais je suis un fantôme, quoi. Enfin, je réponds aux demandes productives, mais ma tête est ailleurs. Et la vraie vie aussi, surtout, elle est ailleurs. Ça peut s'exprimer d'une toute autre manière, comme j'entre en lutte. Alors une lutte un peu sublimée, parce que c'est une lutte au dehors par l'engagement politique, ou alors une lutte au dedans par l'engagement syndical, etc. Et puis ça peut aussi donner lieu à des stratégies psychiques. Alors là, pour le coup, il faudrait peut-être invoquer, je sais pas, des mécanismes psychanalytiques, je sais pas si ça serait nécessaire d'ailleurs, mais des mécanismes de mensonge à soi-même, c'est-à-dire je suis profondément triste mais je me l'avoue pas, enfin je veux pas me le dire, je ne veux pas me rendre à ce constat, parce que c'est trop douloureux. C'est vrai que c'est extraordinairement douloureux de se déclarer en état de malheur, quoi. Et tout ça est surdéterminé par l'ensemble des contraintes qui déterminent la formation ou non d'expression collective de mécontentement. Bon. Mais encore une fois, il n'y a pas de... je suis assez content parce qu'il y a plusieurs questions finalement qui sont revenues sur le même point. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse absolument générale à tout ça. Il faut aller voir. Oui, moi je vais enfoncer une petite question, mais elle est un peu dans la continuité de celle de Jacques, en fait. C'est un peu de philosophie des sciences sociales aussi. Finalement, on a l'impression que depuis quelque temps, en économie, les choses sont en train de bouger. Il y a un bouger, un trembler, quelque chose est en train de se passer dans le discours économique, au sens où on voit que les économistes sont en train de s'approprier un certain nombre de concepts assez intéressants qui viennent d'autres sciences sociales ou de la philosophie, etc., pour les faire travailler, pour produire des effets assez intéressants. Moi, je pense par exemple, en partie à ceux qui s'intéressent aux concepts d'identité en économie, gens comme Alain Kierman, même s'ils en font une fonction d'utilité de la genre. Enfin bon, peu importe, c'est déjà bien de pouvoir faire un objet économique de l'identité, ce qui est assez nouveau pour les économistes, ou des gens qui travaillent sur l'interdépendance des préférences, ou sur la question des affects ou des passions. Et donc la question, c'est, est-ce que ça veut dire que quelque chose est en train de bouger, qu'on est en train d'abandonner le petit Robinson Crusoe maximisateur et calculateur, ou est-ce que c'est trop marginal pour que ça produise un effet épistémologique sur le discours économique standard ? Là, tu viens de mettre un euro dans le jukebox. Hein. Donc cette question fait ma joie. Moi, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose, en effet. Il n'était pas possible qu'un événement aussi massif que la crise financière laisse la théorie économique inchangée. Bon, moi, si tu veux, comme L'histoire des sciences est jonchée de phrases malheureuses. Hein. Bon, alors, tu te souviens peut-être que Lord Kelvin, donc thermodynamicien, à la fin du 19e siècle, avait déclaré qu'il plaignait les générations à venir de physiciens parce que tout avait été trouvé. Moyennant quoi, genre 10 ans plus tard, la relativité, la mécanique quantique, etc. Bon, alors, depuis, la physique s'est quand même beaucoup arrêté de dire des conneries. Heureusement, l'économie était là pour prendre le relais. Donc, nous, on commence à avoir... on a quelques annales. Hein. Et donc, la meilleure, hein, ma préférée, c'est celle de Michael Jensen, qui a dit « Il n'est pas de proposition mieux empiriquement confirmée de toute la théorie économique que l'hypothèse d'efficience des marchés financiers. » Bingo, vieux. Là, je veux dire, c'est parfait. Bon, alors, là, il commence à souffrir. Donc, comme ce sont des méchants, qu'ils ont tous les leviers, ils se battront, il va falloir leur faire la peau jusqu'au dernier. Mais, ils vont avoir du mal, parce que, dans le champ, il y a les dominés des dominants, qu'on appelle la behavioral economics, qui sont très bien placés. C'est pas eux encore les caïds, mais ils ont des très bonnes revues. Ils ont 3 prix Nobel dans la musette et la crise leur sert une opportunité historique et ils ne vont pas la louper. Et donc là, ils sont partis pour, moi c'est ma conjecture, hein, dans 10 ans, c'est eux les chefs, c'est eux qui vont avoir raflé la mise. Et précisément autour de ce que tu dis, c'est-à-dire la behavioral economics se construit, c'est l'opposé, alors c'est difficile, j'allais dire c'est l'opposé dialectique de la théorie néoclassique, c'est-à-dire la théorie néoclassique c'est un a priorisme axiomatique, on pose que les agents sont rationnels, maximisateurs, leurs fonctions d'utilité sont deux fois continuellement différenciables, blablabla. Bon. Et la behavioral economics dit, mais non, nous avons maintenant dénombré expérimentalement un nombre suffisant d'anomalies, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire de comportements économiques disrationnels, pour que l'hypothèse de rationalité pure et parfaite ne puisse plus tenir la route comme ça et s'imposer univoquement. Et leur grand truc, et c'est là qu'il y a des échos extraordinairement intéressants avec des approches spinozistes, hein, c'est de dire, armé de toutes les sciences cognitives, les neurosciences, etc., c'est de dire... Il y a une part des passions dans les comportements économiques. C'est même, alors, version Damasio, reprise par... Bon, les émotions sont nécessaires au processus de décision rationnelle. Donc, si vous cramez la zone, je sais pas quoi, des émotions, etc., le gars peut plus décider. Et moi, je me suis amusé à réunir des couples de citations. Behavioral Economics, Spinoza. Ça marche, c'est magnifique. À ceci près que... ces gars-là sont en train de nous bricoler une science, à mon avis, pas du tout belle à voir. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont très intéressantes. À commencer par le fait que, institutionnellement parlant, ils rendent légitime de considérer d'autres hypothèses comportementales que la rationalité, et que ceci fait du bien à tout le monde, jusqu'au dernier des hétérodoxes, là, au fond de la salle, mais ils s'apprêtent à le faire d'une manière qui fait passer d'un scientisme à un autre. Donc on fait plus de la science par l'a priorisme axiomatique, mais on l'a fait avec la tomographie à émission de positrons. Bon, et très honnêtement, c'est la neuroéconomie, ça. C'est la neuroéconomie, voilà. Mais c'est eux, hein, qui vont gagner, je veux dire. Donc nous, dans cette affaire, les hétérodoxes, que pouvons-nous espérer, comme disait l'autre, il y a un vasistas qui vient de s'ouvrir, on respire mieux, toutes choses égales par ailleurs, mais ça ne nous dispense pas de poursuivre notre effort conceptuel avec nos moyens à nous. Parce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une espèce de science de l'homme unique et définitive, qui sera une espèce de continuum allant de la génétique à la psychologie expérimentale, en passant par les neurosciences, etc., etc. Et alors, pardon, Cécile, juste 2 secondes, cerise sur le gâteau, de la même manière que la théorie néoclassique, ce truc-là va avoir ses prolongements politiques, je veux dire, ses mises au service d'intérêts, c'est d'ailleurs déjà à l'œuvre. Et ça donne des trucs, alors c'est pas beau à voir, hein. C'est à base de Neuroleadership Institute, etc., etc. Donc, non mais franchement, hein, ça vaut le coup d'aller voir. C'est déjà en œuvre dans les salles de marché. Dans les salles de marché, il y a un truc, il y a une bécane inventée par Philips qui s'appelle le rationalizer. C'est-à-dire, je ne sais pas, on fout des électrodes sur le trader, et quand la lumière rouge commence à couiner, ça veut dire que le gars est un peu trop excité et qu'il faut qu'il s'arrête, on va lui faire fumer une clope. il va faire des conneries. Bon, voilà, donc ça c'est la version rigolote, mais il y en a d'autres. Je veux dire, c'est par exemple, l'un des grands thèmes de la neuroéconomie, c'est ce qu'on ou de la psychologie expérimentale, c'est ce qu'on appelle les effets de framing. C'est-à-dire, vous prenez un problème, formellement parlant, le même, mais vous en donnez deux présentations différentes. Et ça va déterminer deux réactions différentes de la part des individus. Alors que votre homo economicus rationnel de base ne se laisse pas prendre au piège. Il voit tout de suite que c'est les deux formulations différentes du même problème. Et il résout le même et unique problème, rationnellement, etc. Non, ça marche pas comme ça chez les agents réels. Et on est en train d'inventer tout ce qu'il faut pour empapaouter le salarié à base de présentations bien distordues des formules salariales, des incitations à la productivité qui font faire ceci, pas cela, etc. Oui, on utilise le framing en fait pour des exactement. De domination. Ouais. D'accord. Cécile, peut-être une dernière question parce En fait, c'était juste une remarque. On va devoir partir malheureusement. Je me disais si en fait, quand même, le modèle, pour le projet qui est le tien, si le modèle spinoziste est en partie compatible avec les gens qui ont connu, et c'est de pouvoir promouvoir un nouveau type en fait, de scientisme à base de cognition, stratégiquement, l'espoir, c'est que quand même, ça veut dire que anthropologiquement, peut-être que le type de réflexion du structuralisme des affects pourrait en fait être. Là, c'est dans un monde idéal. Ah oui, j'y pensais. Hein. moi aussi, je fais des rêves la nuit. En couleur. En plus de ça, je pense qu'il y a quand même des champs des sciences cognitives. Je pense qu'il y a des champs dans les sciences cognitives qui résistent aussi et qui essaient aussi de remettre en cause ce postulat fondationaliste et scientiste au sein de la discipline. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faudra aller chercher des grandes alliances. Parce que je sais que, par exemple, il y a de plus en plus parce que ça reste des écoles marginales, mais en tout cas il y a des cognitivistes qui essaient de réfléchir à l'action en essayant d'apporter des outils de la philosophie pragmatiste. Et à mon sens, ça produit une compréhension de l'émotion et y compris de l'émotion cognitive, beaucoup plus intéressante que celle qui va reposer sur un modèle qui, de toute façon, se présente comme une forme plus ou moins larvée de réductionnisme, et donc, en gros, qui dit on comprend vos émotions, on comprend votre cerveau, et une fois que ça sera compris, après, on vous expliquera comment il faut agir pour être heureux dans l'entreprise. Mais j'achète avec plaisir de faire la connaissance de ces minoritaires. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais si tu me dis qu'ils existent, je veux bien le croire. Effectivement, c'est avec eux qu'il faudrait passer des alliances. Il faut demander à Vacan, je crois qu'il connaît ça, c'est bien Loïc Vacan. Ah bon ? Il travaille là-dessus, oui, sur l'insertion d'une théorie de l'habitus dans un modèle de science cognitive dissidente. Génial. Voilà. Donc il faut lui poser la question, hein. On l'a vu la dernière fois, on a discuté avec lui. Bon, écoutez, on pourrait encore prolonger, je crois, une heure ou deux la discussion, on a encore énormément de choses à dire. Malheureusement, je crois qu'ils ne vont pas tarder à taper à la porte pour demander qu'on leur restitue la salle. Donc merci beaucoup encore à Frédéric pour cette très belle conférence. Et donc pour la prochaine fois, ce sera Frédéric Le Baron.